c'est mieux de répondre à mon tweet. Ok, super. Bon, bah, bonjour à tous et bienvenue à ce Smedsem numéro 24. On entame la quatrième année du séminaire. On est super fiers. C'est cool. Dans la durée, c'est pas toujours facile, mais aujourd'hui, ça s'annonce très intéressant pour cette première de l'année. Je vous donne juste les infos administratives et puis je vais laisser Paul Girard, directeur technique du Media Lab et discutant de cette séance spécifiquement présenter la séance. Moi j'ai pas grand chose à vous dire à part que on continue sur un modèle mensuel où on va essayer d'avoir une séance tous les mois, sauf qu'on a un événement particulier en décembre, les 5 et 6 décembre, qui sont des journées d'études autour du mouvement des Gilets jaunes, que le Medsem co-organise avec MathSHS, le réseau des ingénieurs du CNRS de France, et qui donc nous enlèvera la séance de décembre, très probablement, et éventuellement même celle de novembre. Du coup, le programme est un petit peu flou, mais c'est une habitude du Medsem. De toute façon, si vous nous suivez, vous savez qu'il y a, c'est un peu flouté sur les bords, quoi. Voilà, en tout cas, on reprendra en janvier sans aucun doute. Avec, comme d'habitude, les séances enregistrées au moins en podcast et éventuellement diffusées en live avec une nouvelle expérimentation de diffusion en live aujourd'hui et que vous pourrez retrouver sur le carnet hypothèse du séminaire medsem.hypothèse.org. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne séance et je vous remercie d'être aujourd'hui en si grand nombre. Merci Diego. Ah j'en ai un. Je rajoute une chose, si vous voulez poser des questions, levez la main s'il vous plaît, je vous apporte le micro comme ça on les enregistre. Merci. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à cette séance de Medsem qu'on a intitulée donc du code dans ma thèse. L'idée c'était vraiment d'interroger le rapport l'usage de la programmation informatique et du code informatique dans la recherche en sciences sociales avec un focus sur les travaux en doctorat. Alors pourquoi ce focus? C'est parce que la question qui me traverse l'esprit, c'est vraiment de savoir. Ce travail de doctorat est vraiment un travail personnel de recherche et ça m'intéresse de questionner justement ce rapport au code personnel, de sa recherche personnelle, voir comment ces assemblages-là se font dans ce cadre de doctorat, en sciences humaines et sociales bien sûr. Donc on a invité trois doctorantes et doctorants à venir témoigner et puis à discuter avec nous aujourd'hui. Donc Florence qui va ouvrir la session, et Jean-Nino Car, pardon, qui va ouvrir la session d'aujourd'hui en présentant son travail autour des usages de comment on peut analyser les dynamiques politiques des députés en France et au Royaume-Uni et en Espagne en utilisant Twitter. Ensuite, Guillaume Lévrier, qui est au CENIPOF, il va présenter son travail sur les enjeux institutionnels autour de la nouvelle technique de modification du génome, avec aussi un travail informatique original et vous verrez assez ambitieux. Et enfin on terminera avec Robin qui travaille au Media Lab, designer de recherche au Media Lab et qui termine sa thèse en design en esthétique. Et thèse pour laquelle il a aussi, comme les designers le font, fait une recherche action avec une pratique, du code qui est aussi assez poussée, et voir comment s'articule aussi cette question-là de recherche en design et de la pratique du code. Bon, voilà. Donc moi ce qui m'intéresse, et je vais arrêter là, c'est de questionner, j'espère que vous aurez aussi beaucoup de questions, de questionner qu'est-ce que ça fait qu'à une thèse d'avoir une pratique de code plus ou moins avancée. Et puis au-delà du cadre du doctorat, je pense que ces questions, ces enjeux sont aussi valables pour tout type d'activité de recherche. Et donc on essaiera d'ouvrir aussi un peu ces questions plus largement. Voilà, donc on est parti pour trois sessions d'une demi-heure, donc 20 minutes de présentation, puis 10 minutes de questions, et on finira par une demi-heure de plénière et de discussion. Voilà. Florence. Bonjour à tous et toutes, et merci beaucoup à l'équipe du MedSem de m'avoir donné l'opportunité de venir vous parler aujourd'hui de ma thèse et surtout du code dans ma thèse. Je suis très contente d'être ici avec vous. Donc je vais, comme un peu prévu par la séance, parler avec vous aujourd'hui des outils que j'utilise dans ma thèse, pourquoi je les utilise, parler un peu plus spécifiquement du statut qu'elle se prend ce code dans ma thèse, et parler enfin des difficultés autour des enjeux de présentation de soi quand on est un peu à l'interface de discipline. Mais avant ça, je voudrais revenir plus concrètement sur le sujet de ma thèse, puisse avoir une idée un peu plus claire de la place que le code y prend. Alors, dans ma thèse, je m'intéresse à ce que j'appelle la diversité idéologique au sein des partis politiques, c'est-à-dire de façon très concrète, pourquoi les gens ne sont pas d'accord au sein des partis politiques. Et je pars du député, qui est donc cette figure emblématique, puisque c'est ce qu'on pourrait appeler un agent de représentation de différentes entités qui peuvent être parfois en concurrence. Donc vous avez bien sûr les électeurs de la circonscription, mais vous avez aussi, dans un deuxième temps, le parti, donc l'étiquette partisane du député. Or, ce parti, on peut ensuite le découper en plusieurs entités qui parfois vont avoir des enjeux concurrents. Donc vous avez le parti au niveau local qui va venir, qui est un peu le parti sur le terrain. Vous avez le parti comme organisation bureaucratique au niveau national, auquel on pense généralement quand on parle de parti politique. Et enfin, vous avez ce qu'on va appeler le parti parlementaire, donc c'est-à-dire le groupe parlementaire, généralement les autres députés du même groupe. Et l'idée que j'essaie de développer dans ma thèse, dans un premier temps, c'est d'abord d'estimer les déviations des députés, donc estimer un positionnement idéologique et estimer une déviation par rapport au positionnement idéologique du parti au niveau national. Je m'intéresse aussi au positionnement des autres députés du groupe. Dans un premier temps, de mesurer cette déviation. Dans un deuxième temps, d'expliquer cette déviation, d'essayer d'expliquer pourquoi dans certains partis il y a beaucoup plus de déviation que dans d'autres. Et l'argument que j'essaie de développer, c'est qu'on peut estimer, on peut expliquer la déviation d'un député vis-à-vis de son parti par les jeux de pouvoir et de marchandage qui ont lieu entre les différents échelons du parti, et plus particulièrement ce que j'appelle les marchandages verticaux au sein des partis politiques entre le parti à l'échelle nationale et le parti à l'échelle locale. Avec l'idée qu'au final, c'est l'entité qui va en sortir vainqueur de ce marchandage qui va vers cette entité que le député va être le plus proche. Donc ça, voilà, c'était ma thèse très brièvement. Donc dans un premier temps, je travaille au niveau agrégé, donc je prends le parti comme unité d'analyse et j'utilise des sondages d'experts pour évaluer les diversités de positionnement au sein des partis, plus ou moins grande cohésion des partis politiques. Et dans un deuxième temps, qui est ce qui nous intéresse plus aujourd'hui et ce qui est la partie la plus importante de ma thèse, je vais regarder ce qui se passe à l'intérieur du parti à partir du positionnement individuel des députés, et je m'intéresse aux tweets produits par les députés, et donc je vais créer des textes à partir des tweets produits par les députés au jour le jour dans la législature, et utiliser des mesures de similarité et des techniques de machine learning pour estimer leur déviation par rapport aux textes produits sur Twitter par le parti au niveau national. Et donc dans cette deuxième partie, je me concentre sur trois pays européens, donc la France, le Royaume-Uni et l'Espagne. Juste pour vous montrer rapidement ce que ça peut donner, je vous ai mis ici une image qui est issue d'un article que j'ai publié dans la Revue française de sciences politiques avec Charles Lucidois un peu plus tôt cette année. Donc là, on est sur les députés français de la législature précédente. Et les coordonnées, donc chaque point est un député, les coordonnées des points sont déterminées par les positions des députés dans l'hémicycle, donc entre 2014 et 2017, comment ils ont voté, et à partir de comment ils ont voté, leur discipline de vote, on va estimer un positionnement. La forme des points est déterminée par, on a essayé d'attribuer une espèce d'étiquette à ces députés, donc on a différencié, vous voyez ici en haut, les frondeurs, les petits carrés sont les frondeurs, les carrés sans couleur pardon, sont les frondeurs, et les carrés pleins, ce sont le reste des socialistes. Les petites étoiles ici, ce sont les futurs députés constructifs qui n'existent pas à l'époque mais qui apparaîtront dans la législature suivante, et les ronds, ce sont les députés républicains. Et enfin, les petites croix que vous voyez ici sont les députés En Marche, qui n'étaient pas des députés En Marche, mais qui deviendront, qui seront ensuite des candidats En Marche pendant les élections. La couleur, ensuite, elle est déterminée par les tweets produits par ces députés lorsqu'ils sont candidats à leur propre réélection, à partir de leur discours sur Twitter. Et en fait, ce qu'on montre, donc ce sont des algorithmes de machine learning qui vont venir donner une étiquette à ces députés. Et ce qu'on montre dans l'article, c'est que les erreurs de prédiction machine learning, des algorithmes de machine learning, c'est-à-dire un député LR qui se retrouve estampillé en marche, et en fait, ce ne sont pas vraiment des erreurs, mais ça correspond plutôt à ces candidats ambigus qui vont avoir une étiquette LR, mais qui en fait préparent un peu déjà la suite et vont officieusement mobiliser une étiquette en marche. Voilà, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble concrètement. Alors, je vous ai présenté un peu ma thèse, mais aller plus concrètement sur le code et les outils que j'utilise. Le point de départ méthodologique de ma thèse, c'était de me dire, voilà, ça fait depuis les années 90, donc 30 ans, que les chercheurs en sciences politiques et dans des disciplines voisines ont utilisé Internet comme un terrain pour observer comment les partis politiques, comment les politiciens se sont emparés des nouvelles technologies, d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Et on a une assez bonne idée aujourd'hui de comment ils s'en servent. Et un des grands résultats de ces recherches, ça a été de dire, bah, finalement, les partis politiques sur Internet ressemblent aux partis politiques hors ligne. Ils se comportent de la même façon. Et l'idée, ça a été de dire, bah, puisque les partis politiques en ligne sont le reflet des partis politiques hors ligne, pourquoi ne pas se servir d'Internet comme une source de données pour venir informer les pratiques hors ligne des partis politiques, et notamment essayer d'observer ce qui se passe à l'intérieur des partis politiques. À ce titre, le code dans ma thèse remplit deux objectifs principaux. Dans un premier temps, un objectif de recueil des données, donc recueillir les tweets, en communiquant avec l'API de Twitter, donc, qui permet de communiquer avec Twitter et de lui demander de ramener les tweets. Et dans un deuxième temps, un objectif de traitement des données, c'est-à-dire nettoyage des données, qui sont principalement des données textuelles, nettoyage, l'analyse, faire des modèles, et enfin une partie importante qui est aussi la visualisation des résultats. Comment j'en suis arrivée là? Comment je me suis formée? Moi, j'ai une formation très classique en sciences politiques. J'ai un master de l'école doctorale de Sciences Po. Donc, j'ai jamais eu de formation à proprement parler en informatique. Et quand j'ai écrit mon mémoire de master, je me suis intéressée aux communications, à la communication sur Twitter des candidats aux élections législatives espagnoles de 2015. Et j'ai été confrontée au problème de ma vie. C'était bien joli de vouloir travailler là-dessus, mais il fallait récupérer ces tweets, il fallait les analyser. Et donc, il a fallu que je me forme. Dans un premier temps, je me suis débrouillée toute seule, j'ai tâtonné, j'ai appris principalement à utiliser Python et R. Et j'ai procédé par ce qu'on va appeler une technique très glorieuse de copie et d'adaptation. C'est-à-dire que je suis confrontée à un problème technique, je tape ça sur Internet, généralement sur Stack Overflow, c'est un bon site pour ça. On trouve généralement une personne qui a eu le même problème que nous, ou un problème très proche. Des internautes dévoués ont écrit du code pour aider cette personne. Donc, ce que je faisais, c'est que je reprenais ce code, je l'adaptais à mes besoins. Au fur et à mesure, je transformais ce code jusqu'à finalement me l'approprier. Donc ça, c'était un peu la première étape. Ensuite, j'ai eu la chance, quand je suis rentrée en thèse, d'obtenir un financement double culture de l'Université Sorbonne-Paris-Cité. Je crois que malheureusement, il n'existe plus aujourd'hui. Mais c'est un contrat doctoral destiné aux doctorants qui étaient à l'interface de plusieurs disciplines. Donc, ce que m'a permis ce financement, en plus d'avoir un peu une reconnaissance sur le papier de mes besoins en termes informatiques, c'était aussi de me donner une deuxième affiliation. Donc, je suis affiliée principalement au Centre d'études européennes et de politique comparée à Sciences Po. Je suis aussi affiliée au laboratoire d'informatique du Paris Descartes. Et j'ai un directeur de thèse en sciences politiques, Nicolas Sauger, et un directeur de thèse en informatique, Mohamed Nadif. Ça m'a permis d'avoir vraiment des interlocuteurs des deux côtés, en sachant que cette double culture, elle porte d'un côté sur la science politique et de l'autre sur le machine learning. Je conclue enfin cette slide sur la formation en ajoutant, voilà, je vous ai donc cette formation, j'ai pu la suivre avec ce financement aussi en suivant des cours en auditeur libre dans le master de machine learning de Paris Descartes. Mais surtout, c'est une formation qui est encore en cours, qui est quotidienne, parce que le code, c'est quelque chose qui change vite, qui change beaucoup, on a des nouveaux outils qui arrivent, on essaye d'améliorer ces pratiques qui sont parfois un peu brouillonnes, qui parfois font frémir les informaticiens. Donc voilà, c'est une pratique quotidienne et qui est toujours en cours. Pour parler un peu plus maintenant de ce qu'il y a dans ma boîte à outils, j'essaye dans le choix de mes logiciels et de mes outils de privilégier des grandes idées. La première, c'est de privilégier toujours les logiciels libres pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons scientifiques. Ces raisons scientifiques étant que les logiciels libres permettent de faciliter la reproductibilité de la recherche. Ce sont aussi, généralement, il y a des communautés développées qui vont avoir des mises à jour plus fréquentes, les bugs sont repérés plus facilement, parce que n'importe qui peut regarder le code et y apporter des modifications. Et j'essaye aussi, dans la mesure du possible, d'utiliser des outils de façon très pragmatique qui ont déjà été utilisés par une large communauté en machine learning, en statistique, mais aussi en sciences sociales, puisqu'on a des problèmes spécifiques en sciences sociales. J'essaye aussi, de toute façon toujours très pragmatique, de limiter la multiplication des outils pour ne pas passer l'essentiel de mon temps à me former au lieu de faire ma thèse. Et enfin, j'ai mis ici une logique de path dependency, donc dépendance au sentier, qui fait que une fois que j'ai commencé et que j'ai investi du temps dans un outil, j'ai tendance à le privilégier. C'est le cas par exemple de R, qui est le langage dans lequel je suis plus à l'aise et que je continue à utiliser, alors que peut-être des fois il serait mieux d'utiliser Python pour certains domaines. Voilà, donc concrètement, comme je viens de le dire, j'utilise principalement R dans ma thèse. J'utilise aussi le langage Bash et Python de temps en temps selon les tâches. J'utilise aussi LaTeX, que j'ai inclus ici parce que c'est aussi du code qui me permet d'écrire ma thèse. Et j'utilise pour tous ces outils un éditeur de texte qui est Emacs et que j'aime beaucoup. Il y a une courbe d'apprentissage assez rude, mais une fois qu'on sait s'en servir, c'est très pratique parce que je peux, voilà, quel que soit le langage que j'utilise, Bash, Python, R, LaTeX ou autre, je peux tout faire depuis Emacs. Moi, j'aime bien cette idée d'avoir un seul outil qui permet de tout faire et d'avoir du coup de pouvoir avoir plusieurs onglets entre guillemets ouverts sur Emacs en même temps et de pouvoir passer de R à LaTeX et à Python, très simple. J'utilise aussi un serveur distant RStudio qui m'a été fourni par la très grande infrastructure de recherche UMMU-MSHS, qui est très pratique parce que ça me permet d'avoir un serveur distant pour stocker mes données et aussi un serveur où faire tourner en permanence mes algorithmes pour récupérer mes tweets. Et enfin, j'utilise pour tout ce qui est gestion de version et sauvegarde du code, j'utilise Git et son interface web GitLab. Voilà, donc ça c'était un peu les outils concrètement. Je voudrais maintenant revenir un peu plus sur la place que prend le code dans ma thèse. Et j'aimerais commencer par dire, peut-être de façon un peu étonnante, que pour moi, coder, c'est très similaire à rédiger du texte dans une thèse. D'abord parce que je considère le code comme une partie intégrante de ma thèse, au même titre que ce que j'écris. Et ensuite parce que les processus sont finalement assez similaires, en tout cas dans ma façon de procéder. De la même façon qu'on va diviser sa thèse en chapitres et que chaque chapitre va être un grand argument qui va être soutenu en sous-section par de plus petits arguments, chaque script, pour moi, va être dédié à une seule tâche, une seule grande tâche que je vais découper en sous-tâches qui seront des sous-sections que je vais organiser dans mon code. Je suis un peu maniaque, mes scripts ils sont numérotés, ils sont nommés très précisément avec la tâche qu'ils font. Ils sont rangés dans l'ordre, ils sont rangés dans des dossiers selon, par exemple, je ne vais pas ranger mes scripts de recueil des tweets dans le même dossier que les scripts qui analysent mes tweets, de la même façon que je procède pour les chapitres de ma thèse. Je passe ensuite, lorsque je rédige mon code ou ma thèse, par plusieurs phases que vous connaissez. On a d'abord un brouillon, où on écrit un peu tout ce qui nous passe par la tête, et puis ensuite, au fur et à mesure, on affine, on jette ce dont on n'a plus besoin. Parfois, on va déplacer des bouts de code ou des bouts de texte entre deux scripts ou entre deux chapitres, parce qu'on se rend compte qu'en fait, ça allait plus à tel endroit. Et surtout, j'essaye vraiment de rendre ça visuellement beau, pratique à lire, pour moi-même d'abord, parce qu'on est content quand on revient dessus quelques mois plus tard de pouvoir relire son code, c'est pas toujours évident. Et surtout, de commenter son code, ça c'est vraiment très important. Parce que voilà, vous avez un problème très spécifique, vous avez cherché sur Internet, vous avez trouvé une solution. Un mois plus tard, vous revenez, vous dites, mais pourquoi j'ai fait ça? Vous enlevez la ligne, ça marche plus, donc vous la gardez, mais vous savez plus à quoi ça sert, c'est un peu embêtant. Donc, je voulais vous montrer ici un exemple de code, j'espère que c'est lisible, pour vous montrer un peu mes petits tocs quand j'écris du code. D'abord, toujours, je commence par une ligne commentée qui dit, quel est le nom de ce script? Là, c'est un point R, donc c'est du R. Et qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa fonction? Ensuite, j'ai toujours quelques lignes de paramètres généraux dans le code où généralement je vais effacer tous les objets qui sont en mémoire pour m'assurer qu'il ne reste pas d'objets d'une précédente session et indiquer à R quel est mon répertoire de travail pour qu'il sache où chercher les fichiers de données. Ensuite, j'ai une section où je charge toutes les librairies qui vont être nécessaires à l'exécution du code. Une section où je vais charger tous les fichiers de données nécessaires à l'exécution du code. Je charge tous au même endroit, il n'y en a qu'un seul. Et ensuite, j'entre dans le code à proprement parler. Donc là, il y a une section qui est indiquée différemment avec les tirets. qui va être la tâche que j'essaye de mettre en place dans ce script. Et enfin, toujours très important, je termine mon code par une étape de sauvegarde. Je sauvegarde toujours à la fin de chaque script mes données. Donc ici, j'écris dans un fichier CSV. Parfois, je vais sauvegarder l'objet sous une autre forme. L'idée étant, si vous avez 6 scripts différents que vous devez exécuter dans l'ordre pour parvenir à faire une grande tâche, et que vous vous rendez compte au bout d'un moment qu'en fait, vous voulez changer un paramètre dans l'étape 4, je n'ai pas du tout envie de réexécuter l'étape 0, 1, 2, 3, etc. Donc ce que je fais, c'est que je prends l'objet que j'ai sauvegardé à la fin de l'étape 3 et je peux directement le changer. Voilà, c'était pour montrer un peu concrètement ce code. Donc comme je l'ai dit, ce code est une partie intégrante de ma thèse. À ce titre, pour l'instant, le code est hébergé en accès privé, mais je compte le mettre en accès public à la fin de ma thèse. Je cherche, dans la mesure du possible, comme je vous l'ai déjà dit juste avant, à rendre ce code réutilisable pour le futur, pour moi-même et puis pour les autres. Et je cherche aussi à le rendre le plus général possible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je travaille sur 3 pays différents, avec 3 langues différentes, parfois plusieurs langues. En Espagne, par exemple, il y a le catalan, le galicien, l'espagnol. Et comme je fais de l'analyse de données textuelles, il y a à chaque fois des étapes de nettoyage ou d'analyse qui vont différer selon le langage. Du coup, il faudrait presque que j'écrive à chaque fois un script par pays. J'essaie d'éviter de faire ça dans la mesure du possible. Donc, je montre un autre exemple. Ici, par exemple, dans ce bout de code, j'enlève ce qu'on appelle les stop words. Donc les stop words, ce sont ces mots, on appelle ça mots vides en français. Ce sont ces mots qui sont très fréquemment utilisés et qui ne sont pas discriminants. Ça veut dire qu'ils n'apportent rien à l'analyse. Typiquement, ce sont les déterminants. Donc, voilà, des mots que tous les individus dans votre corpus vont utiliser, mais qui ne vont rien dire de l'analyse. On va chercher à enlever. Et la liste, évidemment, va être différente selon le pays. Donc l'idée, c'est tout simplement ici, c'est assez simple, de mettre des filtres qui vont dire est-ce que je suis en Espagne, est-ce que je suis en France, est-ce que je suis au Royaume-Uni. Donc du coup, généralement, en haut de mes codes, j'indique juste à chaque fois que je commence à exécuter un code dans quel pays je suis, et ensuite je peux exécuter tout le code sans avoir à me préoccuper du pays dans lequel je suis. Voilà. J'aimerais maintenant monter un peu plus en généralité et vous parler de mon expérience de codeuse en sciences sociales et surtout des problèmes auxquels j'ai été confrontée qui ne sont pas tant des problèmes techniques, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais plutôt des problèmes, des enjeux de présentation, on va dire, dans la relation avec les chercheurs des deux disciplines avec lesquelles je travaille. D'abord, quand je parle avec des interlocuteurs en informatique, je me suis rapidement rendu compte qu'on utilisait les mêmes mots, mais qu'on ne parlait pas la même langue. Un exemple très concret qui peut paraître très anodin, c'est que en sciences sociales, quand on fait des régressions, on parle d'une variable dépendante, qui est la variable qu'on cherche à expliquer, et de variable indépendante, qui est la variable qui vient expliquer. Et bien, en informatique, si vous dites variable dépendante, indépendante, on ne comprend pas. Ils vont préférer une notation beaucoup plus mathématique, Y et X. Ça peut paraître rien du tout, mais des fois dans des conversations, j'ai mis un certain temps à me rendre compte qu'on parlait depuis 10 minutes, mais qu'on ne parlait pas de la même chose, et qu'on ne se comprenait pas. Donc ça, c'est un premier enjeu. Donc il faut apprendre le langage autochtone. Deuxième problème, ce sont des différences d'objectifs entre les disciplines. En sciences sociales, on est plutôt dans l'explication. En informatique, on est plutôt dans la prédiction. Un problème classique en machine learning, vous avez un nouveau mail qui arrive dans votre boîte mail et vous voulez détecter est-ce que c'est un spam, est-ce que c'est pas un spam. Ça, c'est un problème classique, qui sont des problèmes qui, nous, en sciences sociales, nous passent complètement au-dessus. Donc voilà, ça c'est une deuxième différence. Et troisième différence, qui est peut-être le plus gros problème auquel j'étais confrontée du côté informatique, c'est la question des données. Donc je manipule des données qui sont quand même très particulières pour les chercheurs en informatique, donc les tweets des députés, avec lesquels ils n'ont pas l'habitude de travailler. Ils travaillent beaucoup plus avec des données médicales, par exemple. Et des fois, je vais faire certaines actions qui vont leur faire pousser des cris d'horreur. Ils vont me dire, mais ça, c'est pas correct, ça se fait pas, ça marche pas comme ça. Moi, je vais leur dire, bah oui, moi, j'ai pas le choix, parce que c'est la spécificité des données qui fait ça. Et en fait, la difficulté à ce moment-là, c'est d'essayer de se dire, quand est-ce qu'il faut les écouter, puisque c'est quand même eux les experts en technique, et quand est-ce qu'il faut me faire confiance, parce que c'est quand même mes données, et ça, c'est mon expertise sur mon terrain. Donc ça, c'est un peu toujours savoir la sagesse de déterminer s'il faut les écouter ou non. Du côté sciences politiques, Il y a plutôt ce que j'appellerais un enjeu de présentation. Donc, quand j'ai commencé ma thèse, j'étais très enthousiaste à l'idée de parler du fait que je faisais une thèse à l'interface de deux disciplines, que j'avais ce côté machine learning et que je travaillais sur Twitter. Et c'est des mots qui sont, voilà, c'est des mots qui sont un peu clinquants, machine learning, Twitter, c'est moderne, c'est beau, etc. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que c'était problématique parce que c'était tout ce que les gens retenaient. Et je suis rapidement devenue la chercheuse Twitter, la geek, l'informaticienne, etc., etc. Et ça veut dire qu'on ne m'envoyait que très rarement des informations sur les partis politiques. On ne me demandait pas de discuter en séminaire quand c'était sur les partis. Par contre, on me demandait de venir discuter dès que ça touchait de près ou de loin les réseaux sociaux, les ordinateurs. Voilà. Et c'est devenu assez problématique parce que je me suis rendu compte au bout d'un moment dans ma thèse, ce serait bien que les gens se rendent compte que je travaille sur les partis et pas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux dans ma thèse sont un outil, mais ne sont pas un sujet en soi. Donc, progressivement, j'ai changé ma manière de me présenter. J'ai enlevé le mot Twitter de mon titre de thèse. Ça a été un passage où finalement je cache presque, pas que j'en ai honte, mais ce n'est plus ce que je mets en avant. Je l'explique dans un deuxième temps, mais je commence par dire que je travaille sur les parties avant de dire que je fais du machine learning. Suivant ça, généralement, ce que je fais va engendrer deux types de réactions assez opposées. D'abord, il y a cette idée de me mettre sur un piédestal en me disant « Oula, ce que tu fais, moi, je peux pas. C'est trop compliqué pour moi. » Et du coup, c'est assez problématique parce que du coup, ça va être des interlocuteurs qui vont dire « Moi, j'ai pas de légitimité. Je vais pas chercher à comprendre ce que tu fais. De toute façon, j'ai pas les capacités de le faire. » C'est embêtant parce que moi, j'aimerais bien pouvoir présenter ce que je fais et partager ça avec d'autres. Et ça veut aussi dire que moi, je suis pas capable de transmettre ce que je fais de façon compréhensible, ce qui est quand même embêtant. Deuxième posture, qui est complètement opposée, ça va être une dévalorisation de ce travail en disant, malheureusement toutes les citations ici sont réelles, en me disant, c'est facile pour toi, c'est juste du code, tu tapes des trucs et t'as pas de terrain, t'as pas un vrai terrain, tu fais pas de la vraie recherche. Et du coup c'est rapide et ta thèse c'est facile. Alors, il y a tout un enjeu là-dessus. Je pense que c'est pas propre au code, je pense que c'est propre quand on maîtrise une méthode et qu'on est face à quelqu'un qui ne la maîtrise pas. Il y a toujours l'enjeu de faire comprendre la difficulté et de faire comprendre que si les tweets, c'est un terrain de recherche. Petit problème annexe, c'est aussi, ça a l'air intéressant ce que tu fais si tu as du temps dans ta pause midi, est-ce que tu pourrais récupérer pour moi les tweets des députés européens et puis me les analyser, ça m'aiderait beaucoup. Ça, c'est un autre enjeu, mais c'est vraiment l'enjeu de dire ça prend pas de temps, c'est facile, c'est juste de la technique. Je me demande juste entre parenthèses si c'est pas un problème qui est spécifique à la France, puisque c'est un problème que j'ai très peu rencontré à l'étranger. J'ai beaucoup plus rencontré en France, mais ça on peut l'aborder dans la discussion. Problème, c'est faire comprendre la valeur ajoutée d'utiliser du code et d'automatiser certaines tâches face à un public qui n'a pas l'habitude de réfléchir comme ça. Je vous ai mis ici un petit comics de XKCD que j'affectionne beaucoup sur l'automatisation des tâches avec l'idée, en théorie, c'est super, je vais passer un peu de temps à développer, certes, maintenant, mais après, dans le futur, tout va rouler tout seul. Et puis évidemment, en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Comme toujours en recherche, ça ne se passe jamais comme prévu. Et on passe beaucoup plus de temps à débugger, à chercher, puis en fait, ça ne marche pas. Puis on se rend compte qu'en fait, ça se trouve, on aurait plus vite fait à la main. Donc ça, c'est aussi un enjeu de mon côté, d'essayer des fois de résister à la tentation. Je préfère toujours passer du temps à coder et à développer des choses qu'à les faire à la main. Je suis un peu paresseuse pour les tâches manuelles répétitives. Mais des fois, c'est sûr qu'il faut savoir quand s'arrêter. Mais par rapport à ça, je voulais juste donner une anecdote. Donc, quand j'ai fini mon mémoire, j'ai publié une méthode qui permettait de chercher automatiquement les comptes de candidats à une élection pour ne pas avoir à les chercher soi-même, puisque dans mon mémoire, j'avais été confrontée à ça. Je devais chercher les comptes de 3000 candidats. Je n'avais pas envie de les chercher à la main. Donc, j'ai développé une méthode qui le faisait pour moi. Et après, j'ai voulu publier cette méthode. Et un des reviewers dans le processus de publication m'a dit c'est super, mais je ne vois pas à quoi ça sert. À quoi ça sert d'automatiser cette tâche quand on a des étudiants qui le font pour nous? Ça se tient. Voilà, c'est un argument auquel il est difficile de répondre. Moi, en tant que doctorante ou même en tant qu'étudiante de master, je ne pouvais pas demander à des étudiants de travailler pour moi gratuitement. Mais voilà, c'est un des enjeux auxquels on est parfois confronté. Je viens de passer toute tout ce temps à vous parler des spécificités de ce que je fais, de ce que ça veut dire de coder, des problèmes qu'on rencontre. J'aimerais terminer en disant que finalement, je ne suis pas sûre que ce soit si spécifique à ce que je fais. Je pense que beaucoup d'entre vous, je pense que les chercheurs qui utilisent des méthodes quantitatives mais aussi qualitatives ont été confrontés à des problèmes comme ça. Je pense aussi que le code est une question qui intéresse de plus en plus de gens, que n'importe qui utilise un logiciel statistique est obligé de coder à un moment ou à un autre. Mais peut-être que la différence, c'est la place qu'on choisit de lui accorder dans son travail, et c'est vraiment la place que je décide de lui accorder dans ma thèse. Mais en réfléchissant pour ce séminaire, je me suis dit, en fait, on a vraiment une responsabilité pédagogique, nous qui sommes un peu entre guillemets, de l'autre côté, qui va être un peu de démystifier le code, à la fois pour faire comprendre que non, c'est pas un truc de hacker dans une pièce sombre, mais c'est pas non plus quelque chose d'évident, et que finalement, utiliser du code dans sa thèse, c'est comme n'importe quelle autre démarche de recherche, ça prend du temps. Et voilà, j'aimerais terminer là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Florence, c'était intéressant. On ouvre. Oui, il y a 10 minutes de questions pour chaque intervention, puis on fera une session ensuite. Alors moi, première question, dans ta thèse, t'en es où en termes de... T'es au début, à la fin, au milieu, voilà. Et deuxième chose, est-ce que ton... Vis-à-vis de tout ce que tu as écrit comme script, comme code, est-ce que tu as commencé à en faire beaucoup au début, puis tu as passé plus de temps à l'analyse, ou comme tu nous montres aussi, manifestement, ça fait clairement partie de l'analyse, du processus d'analyse en lui-même. Donc en termes de toi, de ta perception du temps que tu as passé à rédiger, sachant que plus tu rédiges, plus tu es forte, et donc forcément, peut-être que tu vas faire en 2 heures ce que tu faisais en une semaine il y a 3 ans. Comment tu juges ça? Comment ça s'est passé dans ton dénivelé par rapport à maintenant où tu en es? D'accord. Alors d'abord, je suis en fin de thèse, où je commence ma 4e année. Normalement, on ne devrait pas commencer, puisque les thèses sont censées durer 3 ans. Mais bon, ceci est un autre débat. Alors, sur l'évolution du code, j'aimerais dire que au bout d'un moment, je suis devenue forte et que tout est devenu facile et que ça a pris moins de temps. Et ce qu'il y a de vraiment chouette avec le code, c'est qu'on trouve toujours de nouvelles façons d'être coincé et d'avoir des problèmes. Donc, voilà, le classique, c'est cet après-midi, je code ça. En fait, c'est donc cette semaine, tu vas coder ça. Mais voilà, ça c'est un peu le... Il y a toujours de nouveaux enjeux, de nouvelles questions. Puis je pense que je deviens aussi plus exigeante, par exemple, sur la visualisation, où je vais me dire, ah non, mais j'aimerais bien que ma légende, en fait, elle soit bien alignée à droite. Et que... Enfin, c'est vraiment des questions un peu... On perd du temps sur des choses qui paraissent futiles. Voilà, après je pense que j'ai changé de regard sur le code quand j'étais en mémoire, c'était quelque chose qui, quand j'écrivais mon mémoire, c'était quelque chose qui m'angoissait beaucoup, parce que j'avais l'impression que ça me dépassait, et dès que j'avais un problème, je me disais c'est fini, hein, je vais changer de sujet, je vais faire autre chose, clairement c'est pas fait pour moi. Et puis maintenant, beaucoup plus de me dire bon, c'est juste un problème, je vais le résoudre, j'ai résolu les autres, je vais trouver une solution. Donc c'est plus peut-être un changement de regard, de se rendre compte qu'en fait, ça fait un peu peur, en fait, le code, quand on entre et qu'on maîtrise pas ça. Et là, moi aussi, j'avais un peu l'impression qu'il fallait avoir des super pouvoirs pour faire ça. Oui, merci. Je suis chargé par l'établissement public Plaine Commune d'animer un travail sur le thème le numérique au service de l'implication citoyenne. Parmi les tâches que je vais leur proposer, je dois dire, ce serait intéressant d'analyser les profils Facebook des gens du territoire, Facebook et Twitter, et de construire un algorithme qui permet de recueillir parmi toutes ces informations individuelles ce qui pourrait représenter un projet à caractère collectif utile, et donc de les faire émerger. J'ai vraiment l'impression, alors j'essaie de moissonner évidemment parmi tous les gens qui développent du code des choses qui me permettent de construire ça assez rapidement et sans trop avoir à réécrire à zéro. J'ai l'impression que votre travail peut y correspondre. Simplement, première question, est-ce que vous pouvez traiter facilement des milliers et des milliers de profils? Traiter facilement, vous voulez dire récupérer les données, les capacités au niveau. Généralement, ça va, on a quand même fait beaucoup de progrès. Je pense sur R par exemple, il y a des nouvelles fonctionnalités qui permettent quand on manipule une base de données, de la manipuler le moins possible, enfin, d'effectuer les opérations de dernier moment, c'est tout ce qui est suite deep-layer, multi-deep-layer, etc. On a aussi de plus en plus en Python tout ce qui est machine learning, en fait passe par du code en C++ qui est beaucoup plus rapide. Enfin voilà, je pense qu'il y a maintenant on a de quoi faire tourner du code sur des ordinateurs, on va dire, individuels. Je suis quand même bien contente d'avoir un serveur distant qui a des capacités plus importantes pour certaines tâches. Mais ça tout dépend des opérations que vous voulez effectuer sur ces comptes et aussi de la fréquence à laquelle ils écrivent. Voilà, des fois, il y a des députés qui écrivent très peu, d'autres qui écrivent beaucoup. Donc, vous pouvez vous retrouver avec des masses de données assez différentes. Après, moi, je n'appellerais pas ça du big data, par exemple. Ce que je fais, je suis sur, à chaque fois, plusieurs centaines de comptes par pays. J'ai 3 pays. Au final, j'ai plusieurs millions de tweets, mais je ne pense pas que c'est ce qu'on pourrait appeler du big data. Dans le sens où je peux encore le faire tourner sur ma machine, c'est bon. C'est une question pratique et aussi peut-être philosophique en fait de fond. Pourquoi attendre la fin de la thèse pour publier, enfin pour ouvrir le retour avec TeleScript? Et est-ce que tu n'as pas peur que du coup, en fait, en fin de thèse, tu vas te retrouver de toute façon avec beaucoup de choses à faire, notamment pour la rédaction, et que te replonger dans la réouverture de ces scripts et faire la transition pour les rendre publics, ça en fait te fasse te poser des questions, est-ce qu'il ne faut pas que j'aille cacher telle chose ou changer telle chose, et que du coup en fait tu prends le risque de jamais le faire parce que c'est un effort en plus à faire alors que le faire au quotidien, enfin au fur et à mesure pour être plus simple. Alors oui, c'est vrai, je le fais déjà au quotidien dans le sens où à chaque fois que j'ai plus ou moins bouclé un script, je le rends présentable et lisible. Après, l'enjeu pour moi, c'est surtout des questions de confidentialité des données. J'ai pas encore, je réfléchis à des moyens de rendre accès le maximum de choses sans compromettre les données. Voilà, puisque les tweets des députés, même s'ils sont publics, ça reste des données confidentielles. Et puis parfois, dans mes codes, il y a des noms qui apparaissent, puisque des fois, je vais chercher tout simplement un compte mal attribué et je mets des noms et ça me gêne un peu. Du coup, l'idée, c'est vraiment d'attendre la fin et ensuite, là, d'avoir une logique. Je sais bien, évidemment, que ça prend du temps. Je sais bien qu'il y a toujours des risques. Ça se passe jamais, comme souvent. Mais je prépare quand même ça doucement, histoire de ne pas avoir tout à faire à la fin. Ok. Moi, j'ai plein de questions, mais je vais les garder pour la fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, je vous propose qu'on enchaîne. J'ai changé de... Tu changes l'ordi, toi? Ouais, je change l'ordi. Tu connais son objet? Ah oui, alors attends. déjà. Ah, un peu gauche, ouais. Non. On va le tenter comme ça, non? Si tu veux, sinon. C'est à votre Ethernet. Cable not plugged. Détecté. Je vais voir. C'est bon, connecté. C'est bon. Je suis connecté. Là, c'est bon, c'est bon. C'était Wi-Fi, on s'en va être sûr. Bien sûr. Voilà. Tu seras sûr de passer par là. Voilà. Okay. Okay. Vérifier. Tu veux faire ça. C'est une fraîche. Là, c'est bon. Ah, c'est bon. Network. Problème occurred, vas-y. Voilà, ok, c'est mieux. Dans tous les cas, ouais. Bon, c'est bon, non? Normalement, on devrait avoir l'écran. Ouais, ouais, c'est bon, ouais, je pense qu'on y est, c'est bon. Fantastique. Alors. Ok. Bon, on va pas mettre en non. Okay. On fait un test et sinon c'est bien. Tu peux aussi pour toi. Là, pourquoi on le voit. Okay. Trop à droite, ouais. Écoute, vas-y comme ça. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Guillaume, je suis doctorant au CVPOF depuis. On a commencé le 1er janvier, donc je suis en train de finir ma première année de thèse au CVPOF. Et je travaille sur les enjeux institutionnels de l'édition du génome. Et quand on dit ça, on a un peu rien dit. Parce que qu'est-ce que l'édition du génome? C'est la capacité depuis. L'émergence d'un nouveau type d'enzyme qu'on appelle les nucléases, d'aller cibler des séquences précises dans l'ADN d'organismes vivants, de les couper et de voir comment ces organismes vont venir reconstruire ou recoller les brins d'ADN qui ont été sectionnés, qui ont été clivés. Et à partir de là, quelles sont les modifications qui ont été apportées à ces organismes. Qui peuvent être de toute nature, qui peuvent être des bactéries, qui peuvent être des végétaux, des animaux, et évidemment, et c'est là que se pose le principal problème politique, qui peuvent être des êtres humains. Et donc ma thèse est de voir comment, face à ces technologies ou aux potentialités ouvertes par ces technologies ou à leurs produits, différentes zones géographiques, en l'occurrence les pays européens, les États-Unis et la Chine, vont venir un petit peu recomposer leurs agencements institutionnels pour mettre en politique, pour traduire l'émergence de ces innovations en une série de problèmes qui se posent à des individus, à des groupes sociaux, à la société, peut-être à des États, peut-être encore à des entités encore plus larges dans leur spectre d'intervention. Et une fois que cette traduction a été faite, si elle arrive à être faite, quelles sont les réponses qu'on peut leur apporter? Donc jusque-là, ça a l'air assez classique, c'est de la science politique, ça pourrait être un peu un versant STS aussi, ça pourrait être de la sociologie aussi. Bref, moi je fais ça sous un aspect vraiment réagencement institutionnel, donc j'essaie de voir comment les institutions, différents types d'institutions vont se réagencer dans une matrice pour voir un peu quels sont les processus qui vont se développer et s'ils arrivent à développer ces processus. Et donc je fais des entretiens, je fais du terrain classique, je prends rendez-vous avec les gens, je vais leur parler. Et j'essaye de voir comment ils répondent à mes questions et quelles sont les différences de discours qu'ils peuvent construire, qu'ils peuvent tenir ou qu'ils peuvent occulter. Et donc la question qui se pose, c'est dans ce cadre, pourquoi faire du code? Pourquoi faire du code? Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à un moment de ma recherche où je me suis dit, j'ai besoin d'aller récupérer des données qui sont sous format numérique? Et une fois que j'ai récupéré ces données, qu'est-ce que j'en fais? Alors là, je vais prendre un peu un pas en arrière sur déjà pourquoi moi je fais de la recherche, pourquoi je décide de faire un doctorat et finalement cette raison de faire par cette méthode entre guillemets numérique découle un peu de ce principe-là. Quand on fait une thèse, il y a deux produits, il y a la thèse, le manuscrit de la thèse, et il y a la docteure ou le docteur. Et finalement, peut-être que le produit le plus important, c'est le chercheur, c'est le jeune chercheur. La thèse, il y a cette blague bien connue, vous pouvez mettre 50 euros dans votre manuscrit de thèse et le ranger dans la bibliothèque, et revenir 10 ans plus tard, et vous retrouvez toujours vos 50 euros. Donc ça, les thèses, elles sont rarement lues, sauf peut-être dans le jury de thèse. Et voilà. Par contre, le docteur, derrière, lui ou elle, a eu ce processus, s'est concentré sur un sujet, est arrivé à résoudre plein de problèmes, de méthodes, d'expression, de terrain, de se poser plein de questions existentielles pendant la durée de sa thèse, etc., etc. Et donc faire de la recherche, quelque part, l'idéal qu'il y a derrière, c'est de construire du bien commun. Quand on fait de la recherche, on participe à un mouvement de construction épistémique et on vient manufacturer du bien commun. Et là, c'est le premier problème, c'est que quand on fait une thèse, ben, finalement, comme la thèse en elle-même, probablement, ne va pas être quelque chose qui va complètement révolutionner, à part très rare cas, la construction épistémique même, ben, c'est assez dur, psychologiquement, de se confronter à cet édifice auquel on va consacrer une partie importante de notre temps, de vie, plusieurs années, qui va aussi petit à petit rentrer comme une partie de notre identité, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et donc ça peut être un petit peu compliqué d'avoir l'impression de consacrer tous ces efforts pour obtenir un titre. C'est un versant, mais surtout pour construire ce manuscrit de thèse qui est une toute petite pierre à l'édifice de la science. En vient la question de la méthode, qui, elle, quand elle porte une innovation, peut être une occasion de manufacturer du bien commun à beaucoup plus grande échelle. Parce que dans cette activité de recherche sur les sujets sur lesquels on travaille, déjà il y a peu de contextes dans lesquels on peut se permettre de passer des années sur un même sujet très très précis. Et donc on va être confronté à des questions qui vont être très précises et à des enjeux de méthode qui vont être très singuliers. Et finalement le seul, entre guillemets, effet de levier qu'on va avoir, enfin un des seuls effets de levier qu'on va avoir durant nos thèses comme objet manufacturé pour du bien commun, ça va être notre méthode. Et donc, j'en reviens à la raison pour laquelle je fais du code sur ma thèse, dès l'instant où j'ai eu l'usage de données numériques, est venue l'idée d'avoir un protocole qui soit solide, qui soit scientifique, qui permette de traiter ces données. Et donc, avec les données numériques, vient l'algorithme. Et tout l'enjeu de cet algorithme, ça va être d'avoir une capacité à prendre des données d'un certain type, à faire tourner ces données, à les extraire d'une certaine façon, à les renomenclaturer d'une certaine façon, à les traiter, et à produire une capacité d'exploration, de visualisation de ces données, et après vient l'interprétation. Donc si on fait trois grandes étapes, il y a la récolte des données, qu'on fait soit soi-même, soit qu'on confie à des bases de données qui sont déjà conçues. Toute la partie de récupération de la base de données et de son traitement, et à la fin, l'interprétation du résultat. Et donc toute cette partie de méthode qui est de nomenclaturation et de traitement des données, c'est là que vient généralement se poser l'algorithme qu'on va écrire, la suite d'ordre qu'on va donner à l'ordinateur pour transformer ces données. Et l'enjeu, c'est d'avoir, pour une même source de données, pour un même jeu de données, l'algorithme va toujours donner le même résultat. Alors évidemment que le machine learning est un tout petit peu plus souple que ça, et je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que je ne suis pas compétent, mais pour ce que moi je fais, l'enjeu méthodologique, ce qui fait la force de la production scientifique que je vais faire, c'est que pour ce type de données-là, si je prends typiquement les tweets, ce que je fais aussi, et que je les nomenclature, enfin que je les passe dans mon logiciel, que évidemment ça dépendra, le même jeu de tweet va toujours donner la même visualisation. Et ça va marcher avec n'importe quel type de jeu de données de type tweet. Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de non seulement faire du code, mais en plus de le rendre gratuit, accessible, open source avec une licence MIT, au fur et à mesure que je code, dès que je fais, dès que je décide de faire une session où je vais peaufiner mon algorithme, après je vais la mettre en ligne sur mon repo qui est ouvert à tous, et enfin chacun peut venir, ce que personne ne fait d'ailleurs, mais chacun peut venir et dire que c'est nul pour plein de raisons, en gros, et derrière, j'ai décidé, et c'est aussi pour ça que je suis là, de franchir une étape supplémentaire qui consiste à les rassembler dans un même système, dans un même dispositif, et à faire en sorte qu'ils disposent d'une interface graphique commune à partir de laquelle les gens qui ne font pas du tout de code puissent cliquer sur des boutons et utiliser les mêmes algorithmes que moi. D'où l'idée du logiciel, d'où Pandora, que vous voyez derrière moi, voilà, qui est là, qui sera bientôt publié dans sa première version, a priori le 11 novembre, et qui donc est l'aboutissement d'un certain nombre de mois de travail, mais ce qui est aussi très très trompeur de dire ça, j'ai pas passé des mois à travailler dessus. J'ai passé des mois à travailler sur ma thèse, et quand j'ai eu besoin traiter des données, j'ai peaufiné l'algorithme. Finalement, le travail qui consiste à tous les rassembler ensemble n'a pas été un travail supplémentaire dans la mesure où, de base, avec la technologie que j'utilise, j'ai besoin de cette infrastructure pour que ça tourne. Pourquoi ? Parce que moi, j'utilise du JavaScript, qui est un langage du web, qui fonctionne avec le HTML et le CSS. Et donc, quand vous voulez faire tourner du JavaScript, à la base, vous faites une page web. Puis vous vous rendez compte que ça ne marche pas, parce que pour des raisons de sécurité, il faut lancer un serveur local. Puis vous n'avez pas envie de recharger vos données à chaque fois, donc il faudrait pouvoir écrire sur la machine sur laquelle votre code tourne, donc il faut Node.js. Et puis finalement, tout ça c'est compliqué parce que quand on utilise un navigateur internet différent, et ben ça va pas donner le même résultat. Donc finalement vous allez vous limiter à Chrome. Et ben, finalement, le JavaScript plus des pages web plus Node.js plus Chrome, tous ensemble, ça s'appelle Electron. C'est un système qui fonctionne assez bien et ça permet de faire des applications, de faire des logiciels avec, en fait, simplement un navigateur web Chrome dans lequel vous avez mis un certain nombre de scripts que vous allez appeler. Ce qui arrive à Pandora. Alors, là je passe plutôt à une deuxième partie sur qu'est-ce que ça fait. Comme j'ai dit au début, je travaille sur une technique de génie génétique ou de biologie de synthèse, ou vous appelez ça comme vous voulez, bref, sur l'édition du génome. Donc quelque chose qui est un peu à la frontière de la science. Et donc je vais parler à des gens qui sont justement à la frontière entre la science et le politique. Et qui vont dire pas mal de choses sur déjà ce que c'est. Il y a une controverse définitionnelle sur qu'est-ce que l'édition du génome, et qui en fait, et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et donc souvent ce qui va revenir c'est « Ah bah oui, l'édition du génome pour moi c'est ça, c'est quand on clive l'ADN et après il y a des mécanismes de reconstruction, etc. etc. » Et d'ailleurs il y a ce papier qui dit ça. Il y a ce document qui stabilise cette version de la définition, etc. etc. etc. Et donc moi, mes données numériques, fondamentalement au début, après je suis passé aussi aux réseaux sociaux, c'est une capacité à agréger des documents qui servent de référence à la construction de discours. Et ces documents, généralement, pour mon sujet de recherche, ils sont de deux types. C'est soit des articles scientifiques, ou assimilés. Ça veut dire que souvent, les scientifiques, pour s'exprimer, publient des articles scientifiques ou des tribunes dans des journaux à comité de lecture. Ou alors, c'est des rapports de politique publique qui peuvent être des rapports faits soit par des administrations, soit par des gouvernements, à la demande de gouvernement, soit des rapports parlementaires. Et là, vous allez me dire, bah, c'est simple, quand on a ce type de données, le plus simple pour les organiser et les gérer, c'est d'utiliser Zotero, le logiciel de bibliographie bien connu. Le problème étant qu'avec une liste, on ne peut pas présenter les différents objets de façon géographique ou de façon chronologique. L'autre enjeu, chronologique on peut, mais c'est compliqué pour des raisons d'encodage. L'autre enjeu, c'est que ça ne permet de traiter que les données dont on dispose qu'on a récolté à la main. Et donc ça ne permet pas de récupérer en masse depuis des bases de données, typiquement pour ce qui est du biométrique, ici à Sciences Po on utilise Scopus, il y a aussi l'équivalent de Clarivate qui s'appelle Web of Science, qui permet d'avoir plein de jeux de données. Donc, que fait Pandora ? Pandora permet d'automatiser la récupération. Je ne sais pas si vous voyez, oui, c'est pas clair sur mon écran, mais sur le vôtre, ça l'est. D'automatiser la récupération de données en ligne. Donc typiquement, vous rentrez, à aucun moment on vous demande du code, on vous demande juste votre nom et différentes clés API pour vous connecter à votre compte Zotero, à votre compte Scopus si vous en avez un, et à votre compte Appmetric. Bon, alors ça c'est encore un autre problème. Et ce qui va vous permettre typiquement d'aller rechercher tous les articles qui ont une expression particulière dans un abstract. Allez, donnez-moi un terme vis-à-vis de votre recherche peut-être. CRISPR. Alors, cool. Pas y en avoir beaucoup. Voilà, donc là, Scopus renvoie une réponse disant qu'ils ont 12 796, ce qui n'est pas tant que ça. Documents avec CRISPR, ce qui fait 64 requêtes. Alors je pense que il va probablement pas me laisser la faire parce qu'il va pas me laisser récupérer autant d'articles d'un coup. Généralement quand il y a plus de 5000, il est pas trop d'accord. Enfin, comme on a un compte global à Sciences Po, il va pas être d'accord. Donc peut-être quelque chose qui est un tout petit peu plus précis, ça pourrait mieux marcher. Que quelqu'un d'autre a une autre idée. Dans l'abstract. Allez, on va dire CRISPR et virus. Ou alors AAV, peut-être, ça marche mieux. 122, là c'est déjà beaucoup plus simple. Et c'est quoi AAV? AAV, c'est les vecteurs qui permettent de délivrer CRISPR. CRISPR, c'est une nucléase, donc c'est juste une enzyme, c'est pas vivant en soi. Et le problème, c'est d'aller infecter des cellules qui vont être modifiés, il faut que ça rentre jusque dans le noyau. Il se trouve qu'il y a des adénovirus qui ne sont pas si toxiques que ça pour les êtres humains, qui permettent d'y aller. Bref, de toute façon, j'ai déjà fait plein de requêtes, donc on va pas. Je peux vous montrer sans avoir fait la requête tout de suite. Une fois que vous avez votre requête Scopus, vous pouvez géolocaliser. Ah voilà, typiquement Eugenics et CRISPR, ça marche bien. Vous pouvez géolocaliser les différentes affiliations qui vous sont données par Scopus, les convertir en CSS JSON, qui est le format utilisé par Zotero, et après, hop là, non, si, allez hop, et après les envoyer à Zotero. Voilà, c'est le free human, ça marche pas mal aussi, qui vous permet de les regarder une à une, savoir lesquelles vous plaisent pas, en ajouter, en enlever, puis derrière, les réimporter. Donc là vous voyez que ces bibliothèques là en fait elles sont ici, c'est les mêmes, et derrière vont vous permettre de les envoyer à un des systèmes de visualisation de Pandora. Donc Pandora globalement ça fait deux choses: ça récupère des données en masse depuis une base de données qui s'appelle Scopus, ça les envoie à Zotero pour les vérifier à la main et les modifier à la main si besoin est, et ça les réimporte à l'intérieur de ces systèmes. Et une fois qu'ils sont réimportés, on peut les visualiser de différentes façons. Typiquement, on peut visualiser, alors ça c'est une requête CRISPR plus human dans l'abstract, ça permet de visualiser toutes les villes qui disposent un centre de recherche qui a publié sur CRISPR sur la période depuis que ça existe en fait, hein, depuis 2013 jusqu'en 2019, et de voir, et c'est le sens des axes rouges que vous pouvez voir, quels sont les centres de recherche qui vont venir coopérer. Alors là il y en a beaucoup, donc on peut limiter la période, mais typiquement on voit que entre mi-2016 et mi-2017 il y a eu tant de publications qui ont été faites par ville dans différents instituts, et qu'il y a eu tant de collaborations. Et là, typiquement, ce qui moi m'intéresse dans ma comparaison, c'est qu'il y en a un peu en Europe, il va y en avoir beaucoup aux États-Unis, et il va y en avoir aussi pas mal en Chine. Ici, on va voir à l'envers. Voilà. Et ça, ça marche avec CRISPR, mais ça marche avec n'importe quel type de requête. D'où l'intérêt d'avoir un système automatique qui puisse être utilisé pour d'autres doctorants, enfin par d'autres doctorants qui en ont besoin, par d'autres chercheurs, mais aussi par des étudiants. Parce que finalement, tout ce qu'il y a à faire, c'est faire quelques clics, et en quelques clics, on peut avoir une cartographie de l'état de la recherche à partir de simplement deux ou trois termes qui vont être cherchés dans un abstract. Et évidemment, après, si vous faites de la bibliométrie, il y a toute une syntaxe pour faire des requêtes plus précises dans des bases de données comme Scopus. Tout en se gardant l'opportunité d'aller chercher les données à la main et de les modifier à la main, ce qui renforce la méthodologie. Pareil pour Twitter. Alors, moi je ne fais pas de machine learning sur Twitter, je devrais peut-être d'ailleurs, j'y pense un peu en ce moment. Mais pour savoir en gros ce qui se dit sur un sujet pendant une durée sur Twitter, ce que je fais aussi avec Pandora, c'est une visualisation de tous les tweets. Donc chaque rond ici est un tweet, ça veut dire qu'il y a pas mal d'objets dans le DOM. Et les tweets sont plus ou moins colorés selon si ils ont été retweetés beaucoup de fois. Donc en fait, un rond sombre est probablement un retweet d'un tweet qui a été fait avant. Quand on clique dessus, il lit vers le premier tweet, dont il est un retweet, et tous ses équivalents sont colorés de la même façon. Et là, vous avez l'intérieur, vous avez le contenu du tweet, avec les différentes métadonnées qui sont précises. Alors ça, c'est recueilli avec Gazouvar. Si vous utilisez directement l'API Twitter, probablement vous allez en avoir d'autres. Etc, etc. Et donc ça permet déjà de faire des séquences. On voit que là, on réenchaîne sur une autre séquence et que sa composition est différente. Donc plus les nœuds vont être clairs, plus ça va être des individus qui vont donner leur propre opinion. Plus les nœuds vont être foncés, enfin plus il va y avoir une concentration élevée de nœuds foncés, plus ça va être une nouvelle information qui va être portée par quelques comptes qui vont être retweetés en masse, qui vont être finalement des comptes sur des sujets précis comme celui-là, des comptes de journaux mainstream, entre guillemets, qui vont donner une nouvelle et qui vont faire réagir. Là, en l'occurrence, on peut regarder. Je ne sais pas quel c'est ça. Hop là. Voilà, TikTok. Donc très vite, ça vous permet de qualifier différentes époques, etc., etc. Bref, pour moi, l'enjeu, et je vais en finir par là, l'enjeu de faire du code dans la thèse, c'est vraiment un enjeu, et c'est exactement ce qui a été dit un peu plus tôt, de reproductibilité des résultats et de construire quelque chose qui va dépasser la simple production épistémique du manuscrit de thèse, qui va pouvoir être réutilisé, qui va pouvoir être amélioré et qui va porter en elle-même un petit effet de levier si ça marche, pour que d'autres puissent s'en saisir et faire autre chose avec. Je vous remercie. Avant d'ouvrir les questions, je me permets de juste te demander une précision. Tu n'as pas du tout parlé juste de ton rapport au code en termes de formation ou de niveau et d'où vient ta compétence. Peut-être on va parler de compétence, je ne sais pas. D'où vient ma formation? J'ai essayé de faire un peu de JavaScript en tant qu'autodidacte et la visualisation de données, en fait, m'est un peu tombée dessus. Quand je travaillais à la Banque Européenne d'Investissement et où on m'a demandé de faire une cartographie de tous les articles qui étaient publiés grâce à des financements de la recherche qui étaient faits par l'unité dans laquelle je travaillais, à la BEI. Et donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux différentes techniques qui existaient, et notamment à une librairie qui s'appelle D3, pour Data Driven Document. Et ça vient de là. Et là, finalement, tout ce que je viens de montrer là, ce sont des visualisations qui sont en D3. Sachant que je n'ai pas pris le temps de partir du début, et j'ai essayé un peu de procéder à tâtonnement en copiant ce que faisaient les gens, notamment la personne qui a créé la librairie, et en essayant de l'adapter à la marge jusqu'à ce que ça marche. Et c'est quelque chose que j'ai rattrapé après être revenu à Sciences Po pour faire un master de recherche et un doctorat. Donc d'abord, j'ai évidemment beaucoup bénéficié du soutien du groupe des ingénieurs de recherche de Sciences Po, de METAT. Et à la fin de mon mémoire, dans les deux mois de l'été, entre la fin de mon mémoire et septembre qui a suivi, j'ai fait beaucoup, j'ai fait tous les tutoriaux de JS qui existaient, et de Node, et un peu d'administration de serveurs aussi. Et ça m'a permis de un peu niveler mes connaissances, de repartir sur une capacité à la syntaxe et de maîtrise du lexique aussi du JavaScript qui m'a permis de progresser beaucoup plus vite en fait, pour ramasser sur soi-même et de sortir la première version de Pandora finalement deux mois plus tard, en novembre de l'année dernière. Donc voilà, c'est principalement autodidacte. J'ai beaucoup procédé par tâtonnement, j'ai beaucoup bénéficié du fait de pouvoir être débloqué par des ingénieurs de recherche qui comprenaient beaucoup mieux que moi ce que je faisais. Et ça m'a permis d'engager sur une nouvelle idée, d'embrayer sur une connaissance beaucoup plus nivelée et beaucoup plus efficace. Ce qui permet aujourd'hui d'être en mesure de sortir une première version un peu solide. Sur ce que, comment tu comptais valoriser au mieux ce que tu as produit, parce que finalement les soutenances de thèse ça reste quand même des formats assez classiques, mais pour un document papier, et c'est quand même quelque chose qui est c'est vraiment dommage de voir ça devant des captures d'écran. Est-ce que tu as des idées sur comment tu comptes valoriser ton travail à la fin de ta thèse? Alors pour moi, cette valorisation là elle est complètement indépendante, c'est à dire que et c'est un paradoxe. En effet, parce que finalement, ce que je vais utiliser dans mon manuscrit de thèse, ça va être même pas les captures d'écran, mais les interprétations que je vais faire. Finalement, Pandora ne fait que l'exploration, parce que les données, elles existent déjà. Elles sont transformées pour être rendues intelligibles, mais dans leur fond, contrairement au machine learning, je ne vais pas leur ajouter de valeur. J'essaie au contraire d'en enlever le moins possible. Et finalement, c'est l'interprétation que je vais en faire. Je vais explorer ces données et je vais voir quelles séquences et quatre événements qui concernent CRISPR, il va y avoir les mêmes séquences et qu'est-ce que j'en sors, qu'est-ce que j'en dis, qu'est-ce qui fait que telle personne a signé telle tribune et il y a tel acteur, là, typiquement, ça marche assez bien. Qu'est-ce qui se passe quand il y a trois tribunes qui sont signées et que tout le monde ne signe pas les mêmes tribunes, etc. etc. Donc, pour moi, c'est complètement indépendant. Par contre, ce que j'essaye de faire, c'est d'essayer de publier un article qui explique Pandora, ce que ça fait, et qui puisse être cité. Donc ça, c'est déjà une première chose. Après, en effet, la question sous-jacente qui se pose, c'est qu'il faudrait un pipeline, en gros, qui permette de tester l'outil, de le mettre dans plein de contextes différents, d'avoir des gens qui sont meilleurs que moi en JavaScript et qui ont déjà géré des applications, des communautés d'utilisateurs vis-à-vis des applications, qui viennent tester cette application, qui viennent un peu taper dessus, voir ce qui marche pas, etc., quand ça bug, quand ça bug pas, voilà. Et en faire la promotion pour qu'il y ait une communauté qui se forme, justement. Mais c'est indépendant de la thèse. Pour moi, ça, c'est des choses qui sont indépendantes. Et c'est aussi ce qui résout la question de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que autant les algorithmes, c'est marche-hache, parce que ça permet d'explorer et ça permet d'avoir des résultats, autant le fait de les combiner ensemble et de faire un interprète graphique, ça c'est en dehors de ma recherche. C'est quelque chose que j'ai développé avant de rentrer dans mon contrat. Et c'est pour ça que ça permet de le mettre en open source et de le rendre gratuit, etc. etc. Cette infrastructure-là, elle est sur mon temps personnel, sur mon temps privé, en dehors du contrat que j'ai, de mon travail doctoral. Donc il y a une ambiguïté. Il y a un paradoxe, et moi, enfin, pour ce qui moi me concerne, pour ce qui peut, pour l'instant, mais ce qui est totalement normal, hein, n'y a pas un pipeline qui permettrait de faire émerger, voilà, c'est une application, elle fait ça, on l'a testé, elle permet ça, on a décidé d'acheter des certificats qui permettent de les mettre sur l'App Store de Microsoft et d'Apple, que ce soit disponible sur macOS, qui n'est pas la notification, est-ce que vous voulez vraiment télécharger ce nouveau truc, machin, etc. Donc voilà, il y a ce pipeline de déploiement qui permet de passer du prototype à quelque chose qui prend son envol, avec une communauté, avec des utilisateurs, qui n'existe pas. Et en effet, comme moi je fais ma thèse et que j'ai pas de temps à consacrer à ça, c'est une question. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, pas grave, j'en ai pas, j'ai pour la fin. Très bien, bah, merci beaucoup Guillaume. Nous allons passer au dernier intervenant. Alors, je vais manger aussi, si c'est possible. Tu as un quoi comme... Tu veux du réseau filaire? En principe, ça me va sur le fil. Ça marche. Soi-même, la plupart du temps, ça va être le développement de l'interface graphique, de ce qui va te montrer à l'utilisateur. Elle va être utilisée aussi, cette pratique du code, comme une forme d'expérimentation, qui, comme je le disais, prend place à côté d'autres expérimentations qu'on fait, notamment à l'école, avec un matériau qui a ses propres qualités, qui a ses propres tendances techniques, et vis-à-vis duquel on va apprendre à dialoguer de manière à découvrir des configurations qui n'étaient pas envisagées en amont de la pratique et du dialogue avec ce matériau. Alors maintenant, si on passe du design à son territoire en recherche, de la recherche en design, dans la plupart des cas que, en tout cas, je connais personnellement, les designers qui codent, qui aiment coder, qui rentrent dans le monde de la recherche universitaire, vont plutôt s'inscrire en l'interaction humain-machine, qui est donc une sous-discipline de l'informatique. Et dans ce cadre-là, leur pratique va plutôt relever de la deuxième modalité, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser le code pour prototyper des propositions de solutions à des problèmes qui se posent pour les industries qui sont occupées à la production d'interfaces. Alors moi, c'est le choix que j'ai fait, c'est de ne pas m'inscrire dans ce champ-là. Et je suis allé plutôt m'inscrire dans une autre tradition de la recherche en design, en m'inscrivant dans une école doctorale en arts, lettres et langues, dans le cadre de laquelle la pratique du développement informatique a été envisagée non pas comme une modalité de proposition de réponse à des problèmes de conception, mais plutôt comme une modalité d'enquête. Et c'est un petit peu là-dessus que je vais revenir. Alors je vais présenter très rapidement ma thèse. Ma thèse, son objet, c'est les publications scientifiques en sciences humaines et sociales, et plus particulièrement leur format. Et elle porte sur les effets des interactions entre pratiques expérimentales et conventionnelles dans la publication en sciences humaines et sociales. Donc depuis quelques années maintenant, on a assisté à toute une série d'expérimentations dans le champ de la publication en sciences humaines et sociales, notamment et pour une grande part sous le coup du développement des technologies numériques. Et ma thèse, elle tente de qualifier ce que produisent la friction entre expérimentation et convention dans ce champ-là, vis-à-vis de la formation des collectifs de recherche, de ce qu'on peut appeler un collectif de recherche, et de la manière dont elle légitime une intervention dans ce champ-là, comme validée. Donc dans ce cadre-là, j'ai des objets, j'ai regardé des objets pluriels, qu'on pourrait plus ou moins diviser en deux. D'une part, des situations d'expérimentation portant sur la matérialité de la publication en sciences humaines et sociales, que j'ai suivant les cas documenté, observé ou provoqué moi-même. Et d'autre part, une série de facteurs de normativité institutionnelle, technique, éditoriale, que j'ai tenté de mettre en tension avec ces cas situés d'expérimentation. Donc je me suis engagé dans cette recherche avec une formation qui est une formation principalement en design, une formation complète en design et particulièrement en design produit et d'interaction, complétée par un master en interaction avec la machine, mais suivie, donc, comme je vous l'ai dit, par une inscription en arts et lettres d'école universitaire à Lille. Néanmoins, donc, je me suis inscrit le territoire de ma recherche a été très vite inscrit dans un cadre qui était congruent avec l'étude et la pratique du code, puisqu'il s'est fait dans le cadre du groupe Monad à l'université de Rennes 2, qui consiste à regrouper des chercheurs en art, en esthétique et en design, notamment autour d'un questionnement sur l'utilisation des technologies numériques. Et également donc au sein du Medelab Sciences Po, qui était à la fois un terrain d'observation participante et de collaboration, maintenant un terrain de travail, dans lequel une grosse partie de cette recherche s'est effectuée. Dans ce cadre-là, mon enquête elle a suivi une trajectoire qui est hétérogène, et je pense que c'est cette hétérogénéité qui est intéressante et que je vais vous présenter, que j'ai décidé de découper en trois temps. Un premier temps qu'on pourrait qualifier de pratique d'équipement expérimental, qui a visé à rentrer dans l'enquête et se familiariser avec des techniques de recherche qui n'étaient que peu familières dans un premier temps. Un deuxième temps de stabilisation, à vocation plutôt instrumentale. Et un troisième temps qui est un retour à l'expérimentation et qui est fortement marqué par l'expérimentation qui constitue l'écriture de la thèse. Alors, dans un premier temps, je suis rentré en thèse et il s'est agi pour moi de m'approprier toute une série de techniques d'enquête, donc construction d'un corpus de cas, conduite d'entretien, revue d'état de l'art. Et en tant que designer, ma réaction assez naturelle, ça a été de tout de suite essayer de m'approprier ces techniques, non pas juste en essayant de reproduire ce qui existait, mais en tentant de m'équiper avec les moyens qui étaient les miens. Donc dans ce cadre-là, j'ai fait diverses expérimentations autour de l'analyse bibliographique, autour de la documentation d'événements, sur laquelle je reviendrai. Mais je ne vais revenir que sur une seule de ces expérimentations, correspond à une activité particulière qui est la construction d'un corpus de cartes. Donc une partie de ma recherche, ça a consisté à identifier et essayer d'articuler une série de cas d'expérimentation en publication en sciences humaines et sociales. Dans ce cadre-là, j'ai fait une série d'opérations qui sont classiques concernant ce type de technique, à savoir choisir et délimiter des cas, les documenter, les classer selon une taxonomie spécifique aux questions que je me posais. Mais j'ai aussi construit ce que vous voyez derrière moi, qui va passer en boucle, je ne sais pas, parce qu'il s'agit d'un GIF. Qui s'appelle Studiolo, un premier produit de fabrication de code qui avait plus ou moins trois vocations dans ma recherche. Le premier, le principal, c'est de faire office d'outil de contrôle par rapport à l'écriture des données du corpus, qui sont écrites sous la forme d'un tableau spreadsheet, qui est beaucoup moins lisible que la forme que vous voyez ici. Le deuxième, c'était d'explorer à travers l'interface spécifique de cet espace-là, justement ce que j'essaie de faire dans ma thèse, à savoir articuler différentes formes d'appréhension de ces expérimentations. Par exemple, comment est-ce qu'elles vont être qualifiées par les personnes qui les ont produites, ou quel type de médium est-ce qu'elles vont mobiliser. Et la dernière, c'est de faire office de pièce en soi et de contribution à part entière dans le cadre du rendu de ma thèse, puisque ce travail de documentation et de construction de corpus n'avait pas été fait préalablement. Donc une deuxième série d'expérimentations a été fortement liée au terrain que j'ai fait dans le cadre de ma thèse assez rapidement, en fait, avant la fin de ma première année. Donc, a été un terrain d'observation participante qui portait sur un projet de Convivio Lab qui s'appelle Enquête sur les modes d'existence. Et donc, il y a un projet qui m'intéressait dans la mesure où précisément il s'agissait ici fabriquer sous la forme d'un dispositif et d'un format de publication particulier un appareil permettant de conduire une enquête collective. Donc je vais en parler très rapidement, mais donc ce projet-là, donc c'est un projet qui a été initié par Bruno Latour, et dont le scénario était le suivant. Il s'agissait de prendre pour point de départ une enquête individuelle faite par Bruno Latour et publiée sous la forme d'un livre imprimé, et de la transformer en enquête collective, mobilisant notamment des personnes intéressées ou concernées par certaines des questions posées par cette enquête. Donc pour ce faire, il y a toute une infrastructure matérielle et humaine qui a été déployée, qui a été constituée d'un livre, mais aussi d'une série d'interfaces web, mais aussi d'une série de séminaires et de rencontres physiques, et enfin d'expositions. Ici, vous voyez par exemple un exemple des interfaces web, qui était quand même une des excroissances de cette infrastructure que j'ai la plus étudiée, dans laquelle, sur la colonne de gauche, on voit une série de contenus qui sont ceux du livre original, et sur la colonne de droite, l'ensemble des contributions proposées au fur et à mesure du projet par des personnes sur le web. Donc par rapport à ce dispositif, ma question, ça a été de me demander l'action de son format sur ce projet d'enquête collective. Comment est-ce que le format qui a été construit par l'équipe avait été approprié et reçu par un collectif qui n'était pas des fictions ouvertes. Et la deuxième question, c'était sur le rôle de l'expérimentation par rapport à des formats d'enquête déjà établis. Et dans ce cadre-là, mon enquête a consisté à comparer les intentions de conception de l'équipe, qui est une série notamment d'entretiens, le déroulement effectif du déploiement de cette infrastructure et la réception par son public. Donc toute cette enquête, elle a été conduite en situation d'observation participante de manière intégrée, avec notamment des épisodes de partage des résultats et la recherche avec l'équipe, mais aussi avec la communauté du projet, tout au long de son déroulement. Donc dans ce cadre-là, j'étais amené à faire énormément d'expérimentations qui ont essayé de prendre ce projet qui est assez massif et qui a beaucoup d'aspects par plusieurs ensembles. Donc par le prisme des documents de conception qui permettaient de retracer les choix qui avaient été faits, par le prisme d'un questionnaire qui a été partagé avec l'ensemble des personnes intéressées au projet, par des dispositifs qui essayaient de retracer et de reprendre encore une fois le déroulement et la chronologie de ce projet. ou encore une série d'expérimentations fondées sur les traces numériques de cette enquête collective. Donc ici en bas à droite, des visualisations qui tentaient de faire sens des opérations d'annotation des lecteurs sur les interfaces numériques du site, mais également d'autres enquêtes portant sur la réception sur les réseaux sociaux du projet et les diverses recensions faites notamment des revues qui en avaient été faites. Donc cet ensemble d'activités a conduit à des conclusions provisoires qui ont été publiées dans une revue de recherche en design qui s'appelle Visual Languages et qui a donné lieu à une nouvelle expérimentation qui se portait cette fois-ci sur la question de précisément de l'écriture et de l'élaboration d'un argument à partir de pratiques d'enquête aussi hétérogènes. Donc cette question-là, elle a donné lieu donc, à un compagnon numérique pour l'article donc, qui a été publié en 2015 et qui était donc une première expérimentation que je conduisais en propre à propos de la question de la publication. Oh. Okay. Et qui tentait donc de combiner à la fois une modalité d'écriture sous la forme de paragraphes traditionnels, mais aussi d'autres modalités d'écriture que vous allez voir apparaître sur la droite. Qui consistait à présenter justement les matériaux de cette enquête hétérogène, donc suivant les cas, des extraits d'entretien, des visualisations, notamment de la réception du projet sur les réseaux sociaux, des extraits de documents et d'autres types d'activités que j'ai oubliées. Donc l'article est disponible en ligne. Alors je vais essayer d'accélérer, parce qu'il me reste 10 minutes. Bon, on peut manger un peu. Hein. Ok. Donc, à partir de là, donc, il y avait une série d'expérimentations qui avaient été conduites. J'ai eu le choix entre deux choses. Compléter le terrain de l'AI par un battre, qui m'aurait permis d'avoir une dimension comparative importante, étant donné le caractère vraiment unique de ce projet-là, ou stabiliser ce que j'avais déjà dans les mains. Et c'est cette deuxième voie que j'ai choisie. À la fois pour annoter d'autres études de cas, peut-être avec un niveau de précision moins important, avec des méthodes similaires, mais aussi pour faire proposition, non pas pour répondre à des besoins, mais plutôt pour explorer certaines articulations que j'avais observées dans AIM en tant qu'objet d'étude. Donc cette deuxième phase, elle s'est présentée comme à la fois une série d'expérimentations nouvelles qui relevaient plus de la proposition et une stabilisation logicielle. Ça a donné lieu à deux démarches que je vous présentais, qui chacune explorent une articulation. Donc la première démarche, elle va se placer vraiment au début de cette question de la publication, en se demandant comment est-ce que le travail d'analyse à partir des matériaux d'une recherche pivote vers la formulation d'un argument. Dans ce cadre-là, cette démarche qui s'appelle Ditto est centrée sur un type de matériaux particulier de recherche qui sont les matériaux audiovisuels. Initialement des entretiens, mais ensuite également notamment des pièces audiovisuelles, donc des vidéos par exemple, qui peuvent être des objets de recherche. À propos de ces matériaux audiovisuels, dans ce deuxième temps de ma recherche, j'étais amené à conduire une série d'expérimentations qui visaient à mettre en scène ces matériaux audiovisuels en les présentant conjointement avec une couche d'analyse qui était faite avec leurs propos. Donc la première instance de ces expérimentations a été faite dans le cadre de AIM, parce que j'ai pas le temps. La deuxième dans le cadre de l'université Rennes 2, notamment sur la documentation d'un séminaire des humanités numériques. Ensuite, sous la forme d'autres expérimentations, cette fois-ci à la frontière, disons, avec le champ de la recherche scientifique, pour la documentation d'un séminaire de recherche en art à l'université Paris 1, et dans le cadre d'un projet d'exposition au ZKM de Karlsruhe, qui présentait dans l'exposition des vidéos commentées. Donc sur la base de ces différentes expérimentations, il y a différents dispositif à la fois de présentation de ces matériaux vidéo et d'écriture que j'étais amené à développer. Et petit à petit, ils se sont stabilisés dans un outil, dans un logiciel qui s'appelle Dicto, que je vais vous présenter rapidement, donc qui est aussi disponible en ligne et complètement open source. Donc ce logiciel, il permet de faire deux choses qui sont d'habitude séparées en termes de pratique. Il permet d'abord d'annoter des matériaux vidéo, donc de définir à l'intérieur du flux temporel d'un média des zones qui vont être ensuite annotées avec du texte, mais aussi avec des étiquettes, avec des thèmes, des personnes, mais aussi des lieux ou des dates. Et sur cette base, il va permettre ensuite de faire l'articulation de cette analyse et des pratiques de publication sous trois formes, disons. Une première qui consiste à fabriquer ce qui s'appelle dans le logiciel des montages, c'est-à-dire des sortes d'interface interactive permettant de constituer une vidéo à partir d'une sélection d'extraits liés du coup à un thème particulier, une personne particulière, une particulière ou un lieu particulier, et annoter donc comment cette publication par des matériaux supplémentaires, des images, des références, etc. Mais il va permettre également de publier sur la base de ce travail-là ce qui s'appelle un export de corpus, à savoir encore une interface interactive permettant de naviguer dans l'ensemble des extraits d'un corpus de matériaux audiovisuels donnés, donc de naviguer suivant des étiquettes particulières, mais aussi des lieux ou des dates, et de fabriquer à la volée des montages permettant de voir tous les extraits qui vont parler d'un thème, d'une personne ou d'un lieu. La troisième forme qui est très importante pour moi, c'est que l'outil permet également d'exporter donc, ce qui a été écrit avec cet outil-là sous la forme d'un fichier de données qui peut être repris dans le cadre d'autres projets et mis en forme autrement que ce qui a été proposé ici. Donc ce premier logiciel est utilisé à la fois par moi dans le cadre d'autres études de cas que je fais dans le cadre de ma thèse, et puis maintenant de plus en plus par d'autres personnes. Le deuxième, j'essaie d'aller vite, il s'appelle Péritex, il va un petit peu plus loin dans le processus d'écriture qui conduit à la publication. Et il va s'intéresser plutôt à l'articulation entre l'enquête, certes, mais aussi l'écriture et l'édition. Les problématiques qu'essayait de travailler cette expérimentation-là, c'était de faire de la mobilisation des matériaux de recherche dans une publication une pratique d'écriture en soi. En d'autres termes, de permettre de mobiliser plus finement ce qui avait été travaillé dans le cadre des pratiques de recherche. Par exemple, si j'ai, dans le cadre de ma recherche, une chronologie, être donné la possibilité à l'auteur de citer précisément un moment ou un aspect de sa chronologie qu'il va décider de citer à un moment particulier de son argumentation textuelle. L'autre dimension de ce projet-là, c'est donc une dimension éditoriale, qui tentait de mettre en œuvre ce projet d'écriture avec les matériaux de la recherche, tout en prenant en compte les conditions de la publication contemporaine, qui est polymorphique, c'est-à-dire qu'on va publier un même texte sous une multiplicité de formes pour une multiplicité d'environnements, et qui se doit de respecter un certain nombre de conventions, notamment techniques, mais aussi éditoriales, notamment du point de vue des métadonnées. Donc dans ce cadre-là, la première expérimentation qui a conduit à ce projet-là, c'est celle que je vous ai montré, cet article, publié en 2015, qui utilisait des technologies existantes, mais qui, pour diverses raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'arrêter, m'a conduit petit à petit à stabiliser des techniques nouvelles, et notamment un modèle de document qui, justement, serait approprié à ce projet de permettre une écriture plus fine avec les matériaux d'enquête. Donc, cette stabilisation, elle s'est effectuée en alternance entre la pratique de la thèse et puis des expériences connexes, disons. Notamment une expérience ici à Sciences Po qui a consisté à fabriquer un outil d'écriture collaborative pour les étudiants de Sciences Po, qui s'appelle FOMO, et qui est en grande partie influencé et inspiré par certains des principes de ce projet de recherche, mais également dans d'autres contextes, par exemple à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, un projet qui avait consisté à fabriquer un système d'édition de revues en art qui avait vocation à exister à la fois sur Internet et sous d'autres formes. Donc ces différents allers-retours aller-retour entre stabilisation d'un modèle, expérimentation et instrumentation dans des cas pratiques, ont elles aussi été stabilisées sous la forme d'un outil qui s'appelle Ovid, qui est aussi disponible en ligne, et qui donc va permettre à un chercheur d'écrire une publication en allant très précisément décider comment faire apparaître ces différents matériaux de recherche, donc je passe en accéléré. Notamment, donc, par exemple, faire apparaître tout ce qui relève de jeux de données en décidant comment l'écriture, comment les visualiser, comment les représenter. Il va faire ça donc, à la fois du point de vue du contenu qu'il va écrire, mais il va être aussi en capacité de lui-même produire des éditions à partir de son travail d'écriture. Qui vont mettre en jeu son matériau de recherche et d'écriture de diverses manières. Donc il s'agit d'une stabilisation logicielle, mais qui n'est pas néanmoins un outil monolithique, dans le sens où toutes ces expérimentations ont finalement pris la forme d'une sorte de matrice qui concrètement consiste en une vingtaine de petits projets qui se parlent entre eux pour fabriquer ce que je vous ai montré rapidement. Et qui ont vocation à permettre un ensemble d'expérimentations variées suivant les types de matériaux mobilisés, les types de disciplines, les types d'usage de la publication. Je vais passer très vite là-dessus parce que Paul me regarde. Donc je vais terminer, donc par un petit temps réflexif et revenir sur ce troisième temps d'expérimentation qui est en fait un temps d'expérimentation par la pratique du texte et l'écriture. Qui a posé la question de que faire de ces différentes pratiques de code. Si je peux revenir là-dessus, je n'ai pas pris énormément de temps de ma thèse. Donc pour poser un cadre qui peut être, je pense, aussi intéressant pour la discussion, j'ai repris un outil qui me semble intéressant, qui est un article publié dans le champ des humanités numériques, qui s'appelle Developing Things, et qui proposait en gros une espèce de carte dans laquelle il fallait regarder déjà deux aspects de la place du code dans une recherche en sciences humaines sociales. Le premier étant la pratique du code. Quelle est la place de la pratique du code dans, par exemple, une recherche doctorale, et d'autre part, la place de ces produits qui vont être naturellement, facilement considérés la plupart du temps comme des instruments, mais qui, en tout cas dans le cas, n'étaient pas nécessairement. La deuxième dimension de la carte, c'est les aspects. Donc il y a un premier aspect qui est socio-professionnel. Concrètement, comment est-ce que j'obtiens une thèse en ayant passé beaucoup de mon temps à faire du code et à fabriquer des choses. En ce qui me concerne, c'est une problématique qui se pose moyennement, puisque dans le champ du design et des arts, elle est assez acceptée. Et un autre enjeu qui est plus intéressant, qui est un enjeu épistémologique et méthodologique, à savoir comment faire valoir cette pratique et ces produits auprès d'une communauté qui est intéressée à d'autres pratiques et d'autres produits. Donc pour aller très très vite sur ce qu'a apporté la pratique à l'écriture de ma thèse, il me semble que cette pratique elle a permis deux choses. La première chose, c'est de mettre en discussion les dimensions de ce fameux format de la publication qui n'aurait pas été visible dans la discussion sans ces outils comme objet de discussion. Et la deuxième, c'est les choix que j'ai été amené à faire moi-même dans le développement de ces différents logiciels. Ce que je vous ai montré résulte d'une myriade de choix dans le cadre desquels j'étais amené à rejouer des alternatives et mesurer les choix qui avaient été faits pour d'autres technologies dominantes, donc par exemple Word, WordPress, Lodel dans le cadre de la publication universitaire, et qui ont été pour moi des points de départ pour des pratiques de documentation et d'enquête parallèles ou ultérieures à la pratique de la conception. Donc je vais passer sur précisément ce que ça apportait à ma dimension de recherche. Mais il me semble que finalement, donc, cette pratique, pour moi, son rôle se rapproche, pour prendre une référence dans le champ des sciences humaines et sociales, elle se rapproche pas mal de ce qu'essaye de faire valoir l'anthropologue Tim Gold concernant l'anthropologie. Donc il parle beaucoup, Tim Gold qui parle beaucoup de la relation entre anthropologie et faire, notamment entre anthropologie et art. Alors, Tim Gold, pour juste replacer les choses dans leur contexte, parle plus de la fabrication de paniers ou de biface que de code informatique, mais il me semble que ça marche quand même. Puisqu'il me semble que ce que j'ai conduit finalement, c'est une pratique d'expérimentation, mais pas d'expérimentation au sens d'une interaction homme-machine, à savoir de vérification sur le terrain, de validation d'un principe de conception, mais plutôt comme une sorte de cheminement propre à problématiser et situer une enquête. En en ce sens-là, finalement, c'est aussi c'est une définition qui est congruente avec ce qu'a dit Tim Gold par ailleurs sur la recherche en design, qui la propose comme une pratique d'engagement opérationnel, observationnel, excusez-moi, c'est-à-dire une manière de regarder et de faire regarder des dispositifs qui nous sont familiers par l'introduction d'inventions. Donc dans ce cadre-là, je passe de la pratique aux outils, enfin aux produits. Ces produits-là, justement, ce ne sont pas des outils, il me semble, en tout cas dans le cadre de ma recherche, puisqu'ils ont causé plus de difficultés et de disputes, notamment qui sont présentés, que de solutions. Donc ce ne sont pas des prototypes visant à faire la preuve d'une innovation, ou à être généralisés d'ailleurs. Ce ne sont pas non plus des manifestes au sens artistique, dans le sens où ils restent disponibles sur Internet, adhérents à des pratiques finalement qui nous sont familières, je suppose, qui n'existent pas dans des environnements exceptionnels d'exposition ou de démonstration. Ce sont plutôt une forme d'annotation performative, dans le sens où elles sont censées, par leur utilisation, recadrer des pratiques associées à la publication d'écriture et de lecture selon une inflexion interprétative particulière. Et ce sont finalement aussi des provocations, dans le sens où leur vocation est finalement de conduire à formuler d'autres discours, conversations autour de cette question-là. Alors pour terminer très vite, je me suis hasardé à essayer de résumer tout ça, de résumer ma trajectoire sous la forme d'un schéma, dans lequel un axe quantitatif, un axe disons qui relève de l'attitude. Il me semble que c'est plus ou moins la trajectoire que j'ai suivie. J'ai commencé par pratiquer le code pour essayer de m'équiper par rapport à mes besoins méthodologiques, pour ensuite me rendre compte que mes expérimentations avaient une valeur de problématisation en soi. Ces expérimentations, je les ai ensuite stabilisées sous la forme de logiciels, donc qui sont des logiciels stabilisés, mais qui ont finalement une vocation plutôt à cadrer et soutenir de nouvelles pratiques d'expérimentation que à asseoir des méthodologies qui seraient nouvelles, qui ne seraient pas prises en charge dans un état d'art. Il y a des questions sur la présentation de Robin avant qu'on ouvre une discussion plus générale. Non. Et dans ce cas-là, je propose qu'on passe les deux speakers viennent nous rejoindre, puis on ouvre la discussion. Je vous propose. Tu peux passer ton IT ouvert sur le son. Donc ben, merci beaucoup à tous les trois pour faire montrer, moi j'en retire énormément de choses. Avant d'ouvrir vraiment le champ aux questions j'ai essayé de ramasser un peu toutes mes notes et toutes les idées qui me sont venues en vous écoutant. En faisant ça, en fait, je converge beaucoup avec tes conclusions. En gros, moi, ce que j'ai en tête, c'est j'essaie de rassembler ça en trois points que je vais vous exposer vraiment brièvement là. Je pense qu'il y a un premier thème, donc je vais passer en revue ces trois points, puis je vous laisserai réagir tous les trois comme vous souhaitez, approcher ce qui vous intéresse. Vous verrez qu'il y a des points qui sont plus ou moins pertinents pour vos situations. Donc, mon premier point, c'est comment la pratique du code est aussi une manière de penser, en fait. Ça a été relevé par plusieurs de vos interventions. Je vais énoncer mes trois points, puis après je reviendrai en détail sur tout. Comment le code est un moyen de penser, le fait de coder, on dit que c'est un moyen d'écriture aussi. Le rôle du partage du code, et je parle bien du code informatique, et pas, je fais bien la distinction qu'on peut faire entre le code et le produit, éventuellement, qui peut être le résultat de ce code. Comment le rôle de ce partage de code, ça nous semble vraiment intéressant. Et enfin, le troisième point, c'est, l'autre question, c'est comment on valorise le partage de le produit souci, hein, comment le logiciel ou la méthode, qui sont en ligne de production, hein, qui peuvent venir d'une pratique de code différente, et comment on gère cette valorisation et ce partage. Donc pour la pensée par le code, j'ai une question très simple, je vous pose à tous les trois. C'est marrant parce que aucun de vous trois n'a évoqué ça, c'est pourquoi ne pas avoir utilisé des logiciels existants de traitement ou d'enquête. Je pense qu'au contraire, tous les trois évoqués en creux, non? Je sais pas, Ça dépend ce qu'on entend par logiciel existant. dans le sens que, par exemple, R, c'est un logiciel, ça dépend ce qu'on appelle. Ouais, logiciel. Bah, tu as évoqué les statistiques, par exemple. Par exemple, Stata. Ouais, ou des choses comme ça, ou simplement pour. Il y a des applications qui permettent de récupérer des tweets, ça existe. Pareil pour faire l'analyse textuelle ou l'analyse de tweets, il y a des logiciels qui existent. Pour faire de l'écriture, toi, t'as une pratique qui est pour ça, mais du coup, juste rapidement, en fait, je m'attendais à ce que cette question soit un peu évoquée, mais en fait, pas du tout. Peut-être qu'en fait, enfin, je parle que pour moi, mais d'après ce que j'ai compris de vos deux présentations, enfin, peut-être plus de la tienne que de la tienne, parce qu'en effet, tu es vraiment dans un créneau particulier. Moi, en tout cas, je conçois ça comme l'idée du chaînon manquant, et j'ai l'impression que c'est peut-être aussi la même chose pour toi. Dans la mesure où, en effet, il y a des trucs qui existent déjà, typiquement pour récupérer des tweets en s'affranchissant de l'API et Gazua. C'est pas pour ça que Gazua permet de visualiser des tweets de la façon dont moi j'ai envie de les explorer. Pareil, Scopus a une API, mais j'ai pas envie d'être limité au corpus qu'il me donne, je veux pouvoir le modifier, donc il faut que je l'interface avec Zotero. Et ça, déjà, il n'y a pas d'outil qui le fasse natif, parce que Zotero c'est un peu de source, et eux ils sont contre, ils préfèrent utiliser MindDB ou d'autres systèmes. Et pareil pour la visualisation. C'est toujours, on a un problème. On a une façon d'envisager une solution qui va bien sûr être modifiée par notre pratique du code au fur et à mesure qu'on va construire notre outil. Et on essaye d'utiliser d'interfacer les outils qui existent déjà ensemble pour arriver au résultat. Et finalement, ce que j'ai compris de ce que tu faisais avec tes scripts et avec ton machine learning, que ce soit R, que ce soit des packages R qui existent déjà, et comment toi tu vas activer ton réseau de neurones pour faire la classification statistique ou autre chose. C'est aussi ça, j'ai l'impression que c'est tout ce qu'on fait, on ne fait que du chaînon manquant, sauf peut-être Robin qui lui est dans une démarche qui est encore beaucoup plus réflexive et beaucoup plus c'est l'objet en soi qui est le but et pas le résultat qu'on va avoir derrière. Oui, peut-être. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense qu'il y a vraiment cette logique de chaînon manquant, c'est-à-dire on a des besoins spécifiques et on y a des outils qui existent, mais c'est pas tout à fait ce qu'on veut faire. Donc on va en mobiliser plusieurs d'entre eux et voilà, essayer un peu de faire notre tambouille avec ça. Après, il y a aussi des enjeux. Des fois, on est seul. Hein, on ne sait pas trop à qui s'adresser. Moi, quand j'étais étudiante en master, je connaissais pas le Media Lab. J'étais pas non plus intégrée comme on l'est après quand on est doctorant avec une application. Et quand j'ai commencé à récupérer mes tweets pour la première fois, c'était en fait je scrapais Twitter. Enfin, c'est-à-dire que j'allais récupérer le code HTML de la page et je récupérais les tweets. Enfin, c'était vraiment à la main, quoi. Et puis après, évidemment, je me suis dit, bon, là je fais une thèse, peut-être que je commence à réfléchir un peu, faire les choses à plus grande échelle. Et que j'ai appris l'existence de l'API, que j'ai appris l'existence d'un package R qui permettait de communiquer avec l'API, et du coup j'ai commencé à me saisir de ça. J'ai appris après que les réseaux verts existaient, par exemple. Il y a aussi des fois, on ne sait pas que les outils existent, on se débrouille comme on peut. J'ai appris une fois qu'on a commencé à utiliser un outil, on vient de s'en tenir. Ouais. Ouais, alors moi c'est vrai que par rapport à ça, j'ai une relation très particulière liée au fait qu'il y a une réflexivité totale entre les techniques de recherche que j'emploie, ce que je regarde, ce qui m'intéresse. Et je dirais que dans la plupart des cas, en effet, quand on a besoin d'instruments pour implémenter une méthodologie, bien sûr qu'il faut regarder les outils existants et essayer d'en faire le moins possible de ce point de vue-là. Néanmoins, il me semble qu'il y a aussi un intérêt en propre à refaire certaines choses parce que ça permet justement de mieux les comprendre et d'avoir une forme de compréhension intime de ce qu'on manipule, des algorithmes, etc. Avec néanmoins toujours cette notion de juste équilibre entre le temps que j'y mets et puis ce que ça m'apporte. Et justement, c'était un peu là où je vous amenais, mais peut-être, ouais. Enfin, ça, c'est possible dans ta discipline, mais pour nous, avec le temps qu'on a à consacrer à ces enjeux méthodologiques, quand en plus il faut faire des entretiens où il faut publier à côté, et qu'en effet, ce n'est qu'une méthode parmi d'autres dans tout ce qu'on fait. c'est compliqué quand même de se dire je vais refaire ce package pour mieux comprendre comment il fonctionne. Alors, je ne sais pas forcément comme ça que j'ai entendu moi, mais d'accord. C'est pas, en tout cas, la façon dont tu disais. Moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est que même si tu vas forcément chercher à refaire tout pour tout décortiquer, parce que bon, les boîtes noires techniques sont utiles, et c'est pour ça qu'on ne va pas tout déconstruire. Par contre, j'ai l'impression que la pratique d'aller coder quelque chose apporte aussi une compréhension de ce qu'on fait sur ces données, sur sa façon de l'analyser, sur ça que l'usage d'un outil avec des boutons te donne moins en fait. Parce que j'ai l'impression que la pratique intellectuelle, en tout cas c'est aussi ma pratique dont je parle là, mais c'est ce que j'ai ressenti aussi en vous écoutant, qu'en fait ben voilà, mais j'ai vraiment aimé entendre ça dans ma bouche de France, que voilà, mais c'est écrire en fait, ça reste une écriture. Et que du coup ça fait penser. Je ne sais pas si sur ce point-là. D'accord, c'est fini. C'est entendu comme ça, d'accord. Il y a donc aussi une logique de contrôle, dans le sens que il semble qu'il y ait une séance de ce séminaire sur la réutilisation des entretiens, si je ne me trompe pas, fait par Audrey. Et je pense qu'il y a un peu ce problème aussi qui se pose quand on réutilise des entretiens qui ont été faits par d'autres, c'est ce problème de contrôle. C'est-à-dire que les données que j'ai récupérées moi-même, évidemment, il y a des problèmes, parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais je connais ces problèmes, je sais quelles sont ses limites. Et du coup, je suis capable de dire, j'ai fait telle et telle opération sur mes données, voilà les problèmes, je les maîtrise. Des fois, quand on utilise des outils faits par d'autres, on ne sait pas quelles sont les opérations qui ont été faites sur les données. Ouais, sauf si c'est en bonne sens. Alors, merci. Transition avec mon deuxième point, qui est justement le rôle du partage du code. Et donc, de ce que j'ai entendu, dans ce que vous avez dit, il y a, à mon avis, plusieurs enjeux là-dessous. D'abord, j'ai l'impression que le partage du code a un rôle vraiment important pour l'apprentissage. Je pense que ça a été beaucoup le cas, en tout cas pour Florence et Guillaume. Vous avez vraiment parlé de cette importance-là. Aussi, justement, pour des raisons politiques, mais aussi scientifiques, ce que tu évoquais, justement, de la reproductibilité et du fait qu'on puisse vérifier, en fait, exactement qu'est-ce que fait cet algorithme, de la façon dont il se comporte. Et du coup, pour terminer sur ce thème, j'ai deux sous-questions qui sont, un, de reparler de cette appréhension qu'on a de partager son propre code, des risques que ça peut représenter, donc tu as évoqué les risques notamment de données en fait, qui seraient avec le code et qui on peut pas avoir oublié, ou peut-être le risque aussi de dévoiler ce qu'on fait et d'être ouvert à la critique, enfin, je vois que fortement vous évoquez là-dessus. Et le dernier point qui est l'action à distance. Et alors là, une question plus précise sur est-ce que le contrat doctoral peut avoir un impact sur les licences ou plus choisir sur le code. Ça, c'est un truc qui m'intéresse. Voilà, sur cette question de partage du code, je crois que vous voulez prendre par quatre minutes. Vas-y, Florence. Sur la question du partage du code, oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a cet enjeu que j'ai pas dit, peut-être volontairement, il y a aussi une certaine angoisse à dévoiler les coulisses, puisque c'est souvent c'est sale, il y a des choses, on a mis des pansements par-dessus comme on pouvait. Je lisais toujours sur XKCD là, qui a fait une planche aussi sur le fait que qu'est-ce que c'est, comment produire du bon code, et il a tout un cheminement, et en fait à la fin on n'arrive jamais au bon code. Le bon code n'existe pas, tous les codes en nature sont sales, enfin voilà, c'était un peu l'idée, et je pense qu'il y a un peu voilà, une crainte de dévoiler un peu ses coulisses, une crainte voilà, de montrer un peu ce que d'habitude on cache, je dirais. En recherche. Pour moi, dans mon cas, la problématique était plutôt inverse, qui était une forme de déception sur le retour sur l'investissement du fait d'ouvrir son code. Parce que donc, c'est une pratique que. Enfin, moi qui est naturel, parce que si j'ai pas de données sensibles, etc. Donc j'ai publié très très vite tout ce que je faisais sur GitHub en ligne. Mais dans cette logique d'expérimentation et de mise en dialogue, je m'attendais à ce qu'il y ait des personnes qui s'en emparent et qu'on puisse discuter et faire des choses sur cette base. avant de me rendre compte qu'en fait c'est un travail en soi. Enfin, partager le code, est-ce que ça veut dire uniquement le rendre disponible sur un répertoire ouvert avec une licence ouverte? Non, clairement pas. Partager un outil ou du code, ça demande beaucoup de travail, de communication, de prise de contact, de présentation, etc. Et là, pour le coup, pour moi, c'est pas du tout le travail d'une thèse. Alors, je me permets, parce que pour moi, là-dessus, ce n'est pas que ça, mais c'est ça. C'est-à-dire que le point de départ, c'est quand même de mettre du code à disposition. Après, ce dont tu parles là, pour moi, c'est plutôt de l'ordre de la valorisation. C'est-à-dire que de ton code, c'est de voir, d'essayer de le projeter, que les gens s'en emparent, etc. Là, tu rentres dans une démarche qui était très forte dans ton discours, je trouve, de faire levier, de proposer aux autres de s'en emparer, etc. Donc, c'est vrai pour le logiciel, mais je pense que, enfin, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que faire un effet de communauté sur ton code, c'est bien, mais c'est pas nécessaire. Enfin, c'est pas indispensable. Ça dépend de ce que tu entends par partage, en fait. Ce que tu mets derrière ce mot, quelle ambition tu mets derrière. Mais enfin, il me semble que c'est le même problème qu'il y a pour l'ouverture des données, d'ailleurs. Parce que cette dimension de partage, elle a plusieurs objectifs. Il y a une dimension de la comptabilité, de laisser les gens voir comment ça a fait, etc. En tout cas, dans mon cas, qui était de mettre en discussion, en expérimentation des choses, j'incluais cette dimension-là dans le partage du code. Et alors moi, je vais même rebondir là-dessus, parce que je suis un des premiers utilisateurs institutionnels de Fonio, dans le cadre du cours de culture numérique. Et donc, je voulais un peu justement voir comment Fonio fonctionnait, parce que les étudiants, ils ne semblent pas comprendre comment ça marchait. Enfin, ouais, c'est tout un truc. Et en effet, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Le fait que typiquement, d'un coup, que le rendu soit sur Fonio et qu'on ne sache pas comment Fonio fonctionne derrière, pour moi, c'est un truc à manquer. Alors c'est la première. Peut-être que cette année, ils le font, etc. Mais ça, c'est un vrai truc. Et je suis parfaitement d'accord avec toi, et en tant qu'utilisateur de Fonio, voir comment Fonio fonctionne et comment ça permet à des étudiants qui ont un a priori négatif comme les efflorences vis-à-vis du code parce que c'est pas pour eux, c'est trop compliqué, machin, que ça va être une réussite qui va leur permettre d'atteindre des petits morceaux de ce qu'ils vont faire à la fin avec de leur rendu final, avec beaucoup d'écriture traditionnelle et un peu de code. Ça, c'est vraiment un truc que je trouve passionnant, et c'est vraiment ce à quoi je m'attendais, qui n'a pas pu être fait pour des raisons pratiques, mais c'est une vraie question. Et je suis aussi d'accord avec Robin sur l'idée du sens de ce que c'est partagé. Il y a des thèses qui ont fait du code pour rien marcher. AsNode, c'est une thèse. Il me semble que D3, c'est plus ou moins une thèse, ou un master de recherche aussi. Et pour une raison X ou Y, ça a rencontré un public, et ça a surtout rencontré des acteurs institutionnels qui se sont dit, on va faire de cette technologie notre marque. Il se trouve que pour D3, typiquement, c'était l'unité de l'infographie du New York Times, où ils ont recruté Megostock et ils ont fait que ça. Ils avaient une équipe de 4 personnes, après qui ont fait autre chose. Ce qui permet de rebondir sur, en effet, moi, à la base, j'étais, comme Florence, j'avais mes données dans mon repos de Pandora. Et finalement, quelqu'un m'a convaincu, cette salle, c'est pour Benjamin, qui m'a dit non, il faut que ton truc soit open source parce que sinon ça n'a pas vraiment de sens. Et c'est vrai que malgré toute la mauvaise foi dont je suis capable, il m'a fallu reconnaître à un moment ou à un autre, ce moment est venu, qu'il fallait que je refasse un nouveau repo sans les données et qui permette à chacun de mettre ses propres données et d'en sortir quelque chose. Mais on en revient au même problème, c'est-à-dire que moi j'ai quand même un repo qui est assez clean, quand tu fais npm i, ça marche, ça tourne, il y a un wiki, et personne ne s'en saisit, et on revient aussi sur ce que disait Florence, il faut connaître les outils. Ça ne sert à rien de faire des outils si on ne peut pas les faire connaître. Et là on retombe sur d'autres problèmes que ont d'autres acteurs, mais je pense qui existent aussi au Media Lab, c'est quand on forge un outil, qu'on dépense du temps, de l'argent, donc implicitement, etc., pour faire un outil, comment on en fait un outil qui ne sert pas simplement aux personnes qui l'ont conçu pour leur propre recherche, mais qu'on en fait un outil avec un public. Encore une fois, je pense que ce sujet, c'est un vrai sujet, c'est mon troisième point, ouais. Mais je pense que partager son code, de mon expérience, n'a pas nécessairement descendant ne va pas sortir nécessairement de pair avec faire l'effort que les gens s'en emparent. C'est-à-dire qu'il y a une première, un premier intérêt intrinsèque à partager son code, juste d'abord pour faire exemple et pouvoir le pointer à d'autres et pouvoir permettre aux autres d'aller voir s'ils ont envie de faire l'effort. Et juste ça, sans faire aucun effort de communiquer une communication, ça a un intérêt, à mon sens. Politique, scientifique, voilà. Et ce qui ne veut pas dire que ce dont tu parles là, ce dont vous parlez, c'est-à-dire de faire communauté, etc., n'a pas d'intérêt non plus. Je pense que ça vous fait la tasse, c'est mon troisième point. Mais par contre, tu vois, on entend souvent le truc, oui, mais pour pouvoir partager mon code, il faudrait que je fasse tout ce travail. Mais non, en fait, c'est pas indispensable. Enfin, et je pense que c'est un intérêt de partager sans faire ce travail-là. Je suis pas d'accord parce que finalement, je pense qu'il y a plein de scripts sur GitHub qui font probablement beaucoup de choses qu'on voudrait faire. Et finalement, on va les refaire quand même parce qu'on ne savait pas qu'ils existent. Et donc, c'est une allocation d'information qui est déficiente. Et donc, c'est un marché. Quelque part, il y a une autosynicité des acteurs, il y a une information qui circule plus ou moins bien, il y a une demande, il y a une offre. Et le simple fait d'exister sur ce marché s'il n'y a aucun lien qui pointe vers toi en tant que nœud, c'est pas... Je pense qu'il y a vraiment un souci de transparence tout simplement et que on est dans de plus en plus dans une société où la science a ce devoir de transparence pour légitimer ses résultats et le fait de pouvoir montrer, ne serait-ce que de pouvoir permettre à des gens de reproduire. C'est pas parce que personne ne le fait que c'est pas utile en fait. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où quelqu'un va pouvoir lire ta publie et en voyant ta publie se dire mais ça c'est bizarre en fait, je me demande, et il va pouvoir aller regarder. C'est pas pour autant qu'il va le modifier, qu'il va le critiquer, qu'il va le faire. Mais le fait de rien que de permettre ça à autrui, c'est une forme de légitimation aussi. Alors moi je rajoute un autre argument qui est que de la même manière que coder ses pensées, le fait de le partager juste en le mettant sur son repo, ça oblige au minimum syndical de documentation pour soi-même. Ce que tu as très très bien écrit, je trouve, Florence, et du coup ça a aussi cet effet un peu de bord de se forcer à faire le minimum de documentation pour que au moins si quelqu'un finalement tombe dessus, ce soit pas trop la honte, enfin, si je résume, et que du coup je pense qu'en ça, moi en tout cas nous on milite pour que ce soit un réflexe de faire ça, même si, en disant mais oui on fera pas une communauté utilisateur pour autant. C'est une question, je crois. Oui, il y a vraiment un témoignage. En tant qu'ancien développeur, je comprends que l'informatique, c'est un énorme bricolage. Je vais appeler ça du rustinage aussi. Parce que c'est jamais propre. Mais comme je suis militant sur les logiciels libres depuis 20 ans, effectivement, il y a tout un effort qui est fait par les gens pour présenter leur travail et pour qu'il soit visible. Donc, qui, à mon avis, est vertueux et va dans le bon sens. Malheureusement, ce qu'on constate depuis 20 ans, c'est que les grandes sociétés qui ont fait des logiciels, et il n'y a pas simplement les GAFA, elles savent utiliser les briques de logiciels libres, mais elles savent faire du marketing et de la promotion, et ça, je trouve assez peu parmi les sociétés de services, je parle aussi comme les Cibutec par exemple. Il y a une difficulté d'apparaître au niveau du marché, autrement par les méthodes classiques des boîtes qui font des logiciels. Alors, on va revenir là-dessus, juste sur mon troisième point. Je conclue sur la licence. Donc, la question de la licence. Alors, moi, avant de signer mon contrat, j'ai posé la question à la DRH de Sciences Po, qui m'a dit, de façon orale, de façon écrite, que si c'était quelque chose qui était déposé avant, la première version était sortie avant l'ouverture de la signature et le début du contrat, alors c'était en dehors du contrat. Sachant que, par contre, toute la propriété intellectuelle que je dépose pendant que je suis sous contrat doctoral appartient à Sciences Po. Donc qui est, à mon avis, absolument pas équipé pour la gérer. Donc, par contre, ça peut être marrant si vous voulez mettre un peu des brevets un peu bizarres. Si vous avez des idées, faites des brevets et voyez comment Sciences Po s'en gère derrière. De toute façon, la question est neutralisée parce que c'est sous licence libre, et ouverte, donc du coup, il n'y a personne, enfin, dire, comme il n'y a pas de limite de valorisation, la question ne se pose pas vraiment. Donc moi, j'estime m'être blindé comme ça, et même moralement, c'est difficile d'un jour dire « Ah, notre doctorant fait ça, on va fermer. » Ce serait intéressant de savoir quelle serait la réponse à la question « Je suis sous contrat doctoral, donc la production de ce logiciel, les droits de propriété à Sciences Po, bonjour Sciences Po, quelle licence vous choisissez pour ce logiciel ? » Qu'est-ce qu'ils vont répondre ? Qui va répondre ? Et en combien de temps ? Ça, ça m'intéresserait beaucoup de ça. Voilà. Pour moi, on n'est pas rentré là-dedans, parce que je peux faire. Oui, puis c'est pas applicable. En théorie, légalement, c'est pas applicable parce que la première version était sortie avant. Oui, dans ton cas. Dans mon cas, c'est terminé. Mais si je me lançais dans un autre truc, voilà, avec juste deux lignes de JavaScript. Mais pour moi, c'est un livre d'opinion personnelle, mais ça serait important que l'école doctorale aussi peut-être se saisisse aussi de cette question, parce que ça. Alors, l'autre, et là, juste pour conclure, je ne sais pas si ils ont une question, par contre, s'il y avait un pipeline de déploiement de logiciels, ou de script, ou de ce qu'on fait, quoi, ici, en tant que doctorant, là, ça serait intéressant qu'ils soient propriétaires, au moins d'une partie de la propriété intellectuelle, pour qu'ils aient un intérêt objectif à le développer, ne serait-ce que pour des questions de prestige, en disant, ben voilà, oui, Sciences Po, on fait plein de trucs, dont des outils pour la recherche. Alors, certes, la NR finance ça, tout ça, mais nous, à Sciences Po, en dehors de financement. Oui. Donc, du coup, voilà, ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'avoir une équipe de personnes qui, tous les trois mois, pendant une semaine, font un sprint, un truc de vérification, mettent en place un bug bounty, achètent des certificats pour qu'on ait des certificats développeurs qu'on puisse développer sur les plateformes, et voilà, etc., etc., etc. Ce qui m'a permis d'enchaîner sur le troisième point, qui était vraiment la question de la valorisation du partage, pas seulement du code, mais la production, l'autre versant de cette production, que sont soit les logiciels ou soit les méthodes. Là, je rebondis notamment sur utilisé sur le papier que tu voulais que tu as soumis à propos de cette méthode. Il est passé le papier finalement, mais dans quelle revue? Statistics Policy, Politics and Policy. Ouais. Et c'est super. Et du coup, moi, ça c'est des questions aussi aux médias qu'on se pose beaucoup. Donc je vais résumer ça en quelques points. D'abord, on l'a évoqué rapidement, mais vous avez des positions d'ailleurs différentes. La place de cette production dans votre manuscrit de thèse, finalement, dans ce que vous avez valorisé dans votre thèse. Où publier sa méthode, donc, est-ce que les revues ou les conférences de méthode sont des endroits que vous avez testés et facilement pu publier? Je voudrais revenir aussi sur cette notion qui est très forte chez toi, Guillaume, de levier, que la méthode est un levier d'impact important, plus important qu'une recherche située. Voilà. C'est ta réflexion. Oui, exactement. Alors, du coup, je voulais savoir pourquoi tu cherches à avoir un levier important. Et alors, dernier point. C'est quelle est la limite de ce travail là, je pense qu'on a touché un peu ce sujet parce que quand on commence à rentrer dans le fait d'essayer d'intéresser une communauté si ce n'est d'utilisateurs ou de reviewers ou quoi, on rentre dans une activité qui à mon avis implique de la maintenance, de la gestion utilisateur, et est-ce que ce métier là on appelle ça éditeur logiciel en fait dans la vie professionnelle, est-ce que c'est le vôtre, et quel temps vous voulez lui dédier ou ce soir? Bon, c'est un peu malsain, hein, mais je voulais piocher là-dedans ce que vous voulez. Qui souhaite. Sur le rapport de la publication à l'écriture, moi c'est une question que je me suis posée. Notamment, chacun des chapitres de ma thèse est lié à des pratiques de fabrication. Et justement, je fais le pari de ne pas poser la fabrication du texte sur une espèce de dichotomie théorie-pratique, théorie-application, mais plutôt en considérant qu'il y a certains chapitres qui vont expérimenter des points, à la fois dans l'écriture et dans la pratique, et d'autres qui vont être de la stabilisation. Mais néanmoins, je me posais, enfin, pour moi, les trois options qui se posaient, c'était est-ce que la partie qui relate à la fabrication de ces logiciels, c'est la méthodologie, puisque finalement, elle a couru pendant quasiment tout le temps de mon enquête. Et j'ai oublié avec tout ça, est-ce que c'est une annexe ou est-ce que c'est la fin? Ouais. Finalement, j'ai mis à la fin. Okay. Mais j'aurais pu mettre la question de le mettre en annexe comme avec le rôle d'une annexe, c'est-à-dire une activité qui est connexe mais qui a nourri la recherche par plusieurs aspects, était néanmoins assez présent pour moi. Ouais. Je pense que ton code, tu penses que tu vas l'ajouter à ton esprit de thèse d'une façon ou d'une autre ou pas du tout? Alors, je n'ai pas encore décidé maintenant, mais ce que j'avais fait pour mon mémoire de master, c'est que j'avais fait des liens qui renvoyaient vers le repos GitHub. Ok. Donc, et j'avais mis parfois des bouts de code dans le texte, comme dans un encadré, pour des choses assez importantes. Je ne sais pas encore comment je vais le faire dans ma thèse. Je ne sais pas si le code va toujours apparaître. Parce que c'est quand même, ça devient un peu difficile de présenter sur le papier du code. Enfin, ouais. c'est pas très beau. Enfin, ça prend de la place. Et puis surtout les gens qui lisent, lire du code sur le papier, c'est pas très intéressant. Mm-hmm. Du coup, j'avais pensé aux URL à renvoyer par les Pour la question de la main, du coup, tu seras obligé de publier ces données si tu dois citer dans ton mémoire de thèse. Oui, voilà, c'est ça. C'était un peu l'idée. Ouais. Mais par contre, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir des annexes développées sur ce que je fais concrètement, non pas forcément le code, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, pour essayer d'expliquer à des gens qui ne sont pas familiers avec le code, qu'est-ce que je suis en train de faire. J'essaie vraiment d'avoir une pédagogie de comment je m'y prends concrètement. Ça, sur les annexes, ça peut être intéressant de faire des vidéos de démonstration de code, en fait, de découper par fonctionnalité ou par certaines actions que va produire ton code, et puis d'enregistrer ton écran pendant que tu le fais, et de renvoyer vers ces vidéos plutôt que de renvoyer vers ton GitHub, parce que si les gens qui te lisent ne sont pas des gens qui sont à même de lire ton code, en fait ça va juste peut-être créer un peu de frustration. Alors que s'ils ont la vidéo à côté, ils auront une bonne idée de ce que ça produit. C'est un peu plus sympa que copier l'écran. Oui. Et du coup, je rebondis. Est-ce qu'on peut pas aussi renverser le truc? Est-ce que la thèse, c'est pas la documentation du code, quelque part? Finalement. Enfin, parce que concrètement, ça explique avec beaucoup de détails pourquoi et comment tu as utilisé ce code. Je n'ai rien, c'est ce que tu veux pas citer ta thèse aussi depuis ton cas. Oui, de toute façon, oui, c'est l'idée des deux se renvoient. Après, peut-être, parmi les vidéos, ça peut être une bonne idée. Après, le problème des vidéos, c'est que ça passe pas sur un support écrit. Ouais. Enfin, quand la thèse est soit dans un lien. Voilà, c'est ça, c'est un lien. Mais moi, vraiment, ce que je fais, c'est que je donne pas juste le lien vers le. Par exemple, amusez-vous bien avec les 200 lignes de code. C'est pas l'idée. L'idée, c'est non, de dire. De code, J'explique avec des mots. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement, et puis pour dire si ça vous intéresse, le code, qu'est-ce que ça donne en fait. Alors, c'est là. Moi, j'ai juste. Mais juste pour revenir là-dessus, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de commenter chaque ligne. Oh. Pour quelqu'un qui ne connaît pas ce qui se passe, il a une explication en français de ce qui se passe sur cette ligne. Et donc ça peut faire quelque chose. Oui, j'aimerais parler de différentes choses qui sont toutes liées. C'est que la première chose, Guillaume, tu as dit, la thèse personnalise. Non, la thèse, ton moment de faire personnalise. Par contre, les papiers qui sont issus de ta thèse sont lus. Et c'est aussi des moyens de communication pour un logiciel. Donc, si tu as un papier qui est cité, ton logiciel sera fait. Ensuite, le code maintenant est nécessaire pour être publié. C'est-à-dire que, en tout cas dans mon domaine, en économie, le code source est nécessaire avec la publication. On va avoir ce code source. Une autre chose, Florence, tu as dit à un moment donné, il y a un problème français. Il faut savoir qu'à Harvard, qui est aussi qui est pas connu comme ça s'appelle MIT, le cours le plus pris, le 101 le plus pris, c'est Computer computer science. Donc on a un vrai problème, nous, à Sciences Po, c'est-à-dire que, d'abord, il n'y a pas de cours comme ça en première année, et à Harvard, le cours, le premier prix, c'est du coding en Python. Donc ce qui pourrait aussi, à un moment donné, si on a tous les étudiants, une grande majorité d'étudiants qui codent, comme ça, on aurait pu ces choses de dire, à un moment donné, voilà, ben, des presse-boutons, oui, c'est facile ce que tu fais, et ce genre de choses. C'est aussi une culture générale qui est... derrière. Et maintenant, je voudrais parler un peu de mon expérience. Donc, ça fait d'abord, je vais revenir avec quelque chose. Il faut se méfier. Ouais. Je vais mélanger les deux. Ça fait 20 ans que je fais ces programmes. Et en 20 ans, j'ai vu passer des technologies arriver, repartir, disparaître. Et si vous voulez être des chercheurs en sciences sociales, il ne faut pas perdre de vue que c'est d'abord sa publication qui compte. L'objet, ce n'est pas le logiciel, c'est pas le truc. Donc l'arbitrage entre la qualité du code, quelque chose qu'on peut reproduire, est très important parce que le temps, c'est notre bien le plus précieux. Et lorsque on commence à aller trop loin, moi je me suis aperçu des choses, ou même que lorsqu'on veut aller trop loin avec un seul logiciel, je vais prendre un exemple. En économie, il y a un logiciel qui s'appelait Gauss il y a 20 ans. Et Gauss, c'était le top. On faisait tout. À l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire. Plus personne ne connaît Gauss maintenant. Et ce qui s'est passé, c'est que je voyais moi mes collègues à l'époque, qui étaient des seniors à l'époque, et moi qui sortais de mon master, je les voyais qui avaient investi comme des malades dans Gauss. Et bien, quand est arrivé le scrapping, quand sont arrivées toutes ces nouvelles technologies, alors c'est arrivé un petit peu après le scrapping, eux n'ont pas pu faire le jump parce qu'ils étaient collés à la technologie. Donc il faut se méfier, développer un logiciel, c'est bien pour un côté, mais ça ne sera pas une carrière si tu veux te présenter comme chercheur en sciences sociales. C'est les publications. Et les publications, des fois, il faut faire l'arbitrage entre un code propre et le temps que l'on passe, parce que ce que l'on fait, c'est d'utiliser les résultats. Et mon expérience à moi, en 20 ans, qui n'est pas beaucoup, et qui en même temps, l'informatique, j'ai vu, j'ai commencé à utiliser l'ordinateur, il n'y avait pas JavaScript, il n'y avait pas Python, R était son ancêtre, R est arrivé en opposition à S+, sur ce genre de choses, on voit des technologies, donc il faut faire attention quand même lorsqu'on investit, il vaut mieux investir du temps dans sa recherche. Je dirais qu'il faut quand même faire cet arbitrage entre trop propre pour un chercheur en sciences sociales et le temps que ça prend. À un moment donné, il faut savoir avoir du code sale, avoir quelque chose qui marche. Parce que je vous promets qu'en 20 ans, les logiciels avant c'était Stata, c'était SAS, pardon, c'était Gauss, c'était du Fortran. Plus personne n'utilise du Fortran maintenant parce qu'on n'a plus besoin de la puissance du Fortran. On a la mémoire de ce genre de choses. Donc, on a écrit du très beau code, mais je n'ai jamais utilisé. Mon code SAS, j'avais écrit du très beau code, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, il faut faire attention quand même, pour mon expérience à moi, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire trop propre. Bien sûr, il faut que ça soit rangé, il faut que ça soit documenté. En particulier, si on travaille à plusieurs, vous n'avez pas cité ce travail, mais quand vous avez des co-auteurs, il faut qu'ils puissent rentrer dans le code. Mais d'aller trop loin dans l'automatisation, pour un chercheur en sciences sociales, ça a peu d'intérêt. Moi, en 20 ans, la réutilisation du code, ce qu'on appelait en C++ les templates, de réutiliser des templates, des choses qui sont faciles, pour un chercheur, je fais la différence avec un ingénieur dont c'est le but de produire des outils. Pour un chercheur, non, c'est pas le but pour produire des outils, produire des templates est peu efficace. Voilà ce que je voulais dire. Je vais peut-être faire une réponse commune du coup à vos deux enjeux. Je suis foncièrement d'accord, et d'ailleurs je l'ai dit pendant la présentation, que pour moi le code ne faisait pas partie de mon manuscrit de thèse, et c'était ce que j'allais interpréter grâce à ce que le code présentait à partir des données, qui allait faire le corps de l'avancée épistémique. Pour autant, justement, finalement, moi, je ne fais pas ça simplement pour le chercheur qui voudrait faire exactement la même chose. L'intérêt de faire ce logiciel, d'avoir fait d'avoir rassemblé ces algorithmes ensemble et qu'ils soient utilisables avec des boutons, c'est justement pour qu'aussi des étudiants puissent s'en saisir. C'est pour un public beaucoup plus large que ça. Et je pense que c'est aussi ce que fait Robin. Et la raison pour laquelle on n'a pas juste des scripts qu'on fait tourner pour notre recherche, c'est à la base de faire ça. Et c'est d'où le paradoxe face auquel on est Robin et moi, bah, plus moi que Robin, parce que Robin il a une infrastructure derrière lui, c'est que moi du coup, Pandora va probablement rester un truc, une expérience comme elle a été, et dans l'état dans lequel il est, et je serai probablement, à 99% sûr, le seul utilisateur de Pandora pendant toute la durée des siècles et des siècles. Et je passerai à autre chose après, et je fais du JavaScript, et peut-être que professionnellement, pendant ma carrière de chercheur, si je fais une carrière de chercheur, je me mettrai au Python, et peut-être qu'il y aura autre chose, et peut-être que tout le monde travaillera sur Go, et je ferai du Go, et ce sera très bien. Donc, quand même, il y a un truc, c'est que Robin a explicité aussi que ses productions n'étaient pas des logiciels, n'étaient pas non plus des prototypes qui cherchaient une innovation, c'était des expériences. Vrai. Alors dans ton cas... c'est pas vrai. Oui, mais c'était pas ton cas de synthèse. C'est son travail d'ingénieur. En revanche, il y a une très grande distinction entre les deux. Mais moi, ce qui me passe, c'est la question à laquelle tu réponds très clairement, c'est pourquoi tu cherches à ce qu'il y ait des utilisateurs. Juste une chose pour répondre à ça. Sur 20 ans, nous, c'est le moment. On est passé de la ligne de code. Ensuite, au presse-bouton, et le presse-bouton s'est battu contre le presse-bouton, parce que la boîte noire, on voulait que justement les étudiants, les gens reviennent à la ligne de code, à écrire du code, sans être. On s'est battu pour ça. C'est pour ça que, oui, c'est des belles choses. Et honnêtement, j'ai été comme toi, j'ai voulu 100 fois, moi, automatiser des tâches, faire un beau logiciel, un logiciel d'économétrie qui répondait à mes demandes. Et c'est une énergie folle qu'il faut développer, et surtout qu'on voulait justement donner la liberté de la ligne de code, on voulait qu'on retourne à la ligne du code plutôt que le presse-bouton dans le monde particulier pour l'utilisation des étudiants. D'accord. Alors là, du coup, ça revient sur la question de l'effet de levier et l'entrepreneur du bien commun. Et donc, moi, j'avais cette ambition, enfin, la raison pour laquelle je suis passé de l'algorithme au software, c'est justement l'idée, pour ma santé psychique, de manufacturer du bien commun, de faire quelque chose de gratuit, d'open source, et de faire un point d'entrée qui allait, parce que ça bouge, ça tourne, ça va pas dans tous les sens, ça veut rien dire, l'ordre qui tourne sur lui-même, là, ça n'a aucune signification, c'est juste artistique, que les étudiants allaient, n'importe qui, allaient s'en saisir, allaient voir comment ça fonctionne, et à un moment, aller se demander comment ça marche. Parce que c'est open source, et que donc ils peuvent aller modifier des trucs, ils peuvent aller casser des trucs, et bam, d'un coup ça ne marche plus, l'ordre ne tourne plus, c'est un piège. C'est l'engrenage, mais finalement, tout le code, et là on est tous autodidactes, c'est juste qu'on a vu des trucs cool, et on s'est dit, moi aussi j'ai envie de faire des trucs cool. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est voir si on a accès aux trucs de source, et on va enlever des lignes, et on va voir ce qui ne marche plus. Et du truc cool, moi j'ai l'impression que, en tout cas dans le cas à Florence et Guillaume, vous êtes venus à ça pour récupérer des données à départ. En fait, dans vos deux interventions, vous avez cité ça, ce besoin-là. Ce qui m'a fait penser à une distinction entre ce que dans les activités du Media Lab, en fait, on est connu parce qu'on travaille sur le terrain web, et j'ai beaucoup aimé tes réflexions sur Twitter, c'est un terrain de recherche, quoi, et c'est pas juste un logiciel et des données, c'est un vrai terrain, et ça demande plein de choses. Pareil sur le fait que Zotero, tu utilises Zotero comme une de réflexion qualitative sur les données que tu as récupérées de l'API, comme interface, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup sur la notion de terrain numérique. Mais au-delà de la question du terrain numérique et comme intérêt d'avoir une recherche en méthodo numérique, en sens social, il y a aussi le fait que, au-delà des données, l'exploration visuelle, c'est très fort dans ton cas, apporte en fait un type d'outillage différent. Il n'y a pas que les données. C'est marrant de voir cette dynamique de il faut bien que je récupère mes données et que je les gère, et puis maintenant que je les ai et qu'elles sont là et que je les structure comme je veux, je peux faire mon truc. Et je trouve ça intéressant cette démarche-là aussi de devoir se mettre au code aussi parce que il y a des données qui le demande, et comment ça, ça, en fait, ça ouvre des portes. Oui, alors en effet, l'idée de Pandora, comme vous avez vu la structure, je peux la relancer, donc en gros, c'est que donc il y a différents types de visualisation, et il y en a 4, mais il y a de la place pour 50. Et l'idée, à la base, pour Pandora, là où il y avait aussi un peu des effets de levier, c'est que chacun puisse prendre Pandora, les dépendances qui sont préchargées à l'intérieur, et faire ses propres types de visualisation avec, soit avec des 3, soit avec des gars, soit avec Sigma, JS, tout ce que vous voulez. Et que finalement, ce soit plutôt des gens comme moi, donc des jeunes chercheurs, doctorants ou post-docs, qui donnent des cours à des étudiants en sciences sociales et qui leur font utiliser des méthodes de ce type-là, qui vont automatiquement récupérer et nomenclaturer. Et après, quand on a ces étudiants, quand on a ce public-là, et bien les étudiants se posent la question de quel est le chemin parcouru par ces données depuis la base de données à la visualisation, et ils commencent à faire des trucs parce qu'ils ont accès au code, et donc ils peuvent relancer leur propre version de Pandora, d'où l'intérêt de GitHub, du versionning, et d'avoir plein de branches différentes qui font plein de trucs différents. Et donc ce bourgeonnement, dans le cadre de ma thèse, il est impossible à organiser. S'il y avait un projet, s'il y avait une infrastructure, je reviens toujours à cette idée, mais s'il y avait un pipeline, soit à Sciences Po, soit dans la commune, soit je ne sais pas où, en Europe, qui permettait d'organiser ce bourgeonnement, et qu'en un week-end de formation, je puisse former des gens qui seraient intéressés par ce projet-là et qui après iraient tenter de dessiner des trucs. Ça marche pas après. Hein. Mais s'il y avait ce pipeline-là, ce serait possible. Moi, en tant que doctorant, c'est pas, j'ai pas le temps. Mes amis sont naturels aussi. Ouais. Il est midi et demi, on va conclure. Pour conclure, je vous propose, si vous voulez, chacun dire un mot de conclusion. Si vous avez envie, je vous donne la parole. J'ai beaucoup trop parlé. Moi, je voulais juste rebondir votre intervention sur le fait que, parce que j'ai aussi mentionné dans ma présentation, le code, ça change vite et ça implique aussi de se former et d'être ouvert aussi à l'idée de devoir changer d'outil et tout ça. Je pense quand même que, et c'est aussi pour ça que, voilà, personnellement, je martyrise un peu mes étudiants, j'ai beaucoup de questions, mais pourquoi vous faites charger les données en ligne de code alors qu'on a très bien vu qu'il y avait un bouton charger la base de données et c'est vraiment cette question de, oui, peut-être que le code qu'on produit maintenant n'existera plus, ne sera plus valable, bien sûr qu'il sera plus valable dans quelques années, mais ça ne veut pas dire que c'est non plus du temps perdu, parce que c'est quand même un apprentissage en soi d'apprendre ce langage et d'apprendre à systématiser son travail et à rendre quelque chose de visible, c'est des bonnes pratiques qu'après on sera... C'est l'arbitrage entre... Oui, c'était... Exactement, c'était tout à fait... J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup en solo. Et ça me surprend beaucoup. Parce que oui, mais on peut faire appel à des ingénieurs, beaucoup plus. Alors peut-être qu'ils sont pas disponibles, peut-être que vous n'avez pas autour de vous. Et donc, je trouve ça un peu dommage. Bah, nous, je fais partie de l'INED, on fonctionne pas comme ça. Juste pour témoigner, je pense que ça dépend beaucoup des labos et même des équipes au sein des labos. Parce que bon, nous, au Médialab, par exemple, là, on a la chance d'avoir un environnement où on est, nous, ingénieurs, on est plus nombreux en ratio sur l'ensemble de la population du labo que dans d'autres labos de sciences sociales. Et on essaye justement d'accompagner les doctorants ou même les assistants de recherche ou même les post-docs, ou les chercheurs d'ailleurs, quand qui quelque chose là, on essaie de toujours garder la porte ouverte pour qu'il y ait de la mutualisation et de la circulation des pratiques. Mais c'est vrai qu'on s'est un peu un luxe dans notre cas, j'imagine, parce qu'on a ce contexte professionnel qui n'est pas forcément, en tout cas humain, qui n'est pas forcément disponible. Enfin, je ne sais pas, Florence, toi, comment tu... Moi, dans mon laboratoire, il n'y a absolument personne qui peut m'aider, c'est les gens qui viennent me voir qui sont le problème, donc c'est un petit peu... Après, bien sûr, il y a des ressources à Sciences Po, donc c'est pas. Mais c'est, disons que ça devient plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut, voilà, garder ses problèmes en tête, les noter, ensuite venir présenter à quelqu'un d'autre, lui expliquer son travail, venir aussi prendre le temps d'une personne. Enfin, voilà, je sais bien que les ingénieurs de recherche, ils n'ont pas que ça à faire non plus, ils ont un travail à côté. Donc il y a un côté aussi de devoir s'en sortir seul aussi, parce que comme vous disiez, c'est une thèse. Et ouais. Il faut savoir le faire tout seul. Hein. Après, là, on revient à ce que tu appelles les ressources à Sciences Po, et au-delà des cours qu'il n'y a pas encore, qu'il devrait y avoir, qui ont été mentionnés, il y a aussi des communautés de pratiques. Ouais. J'ai 25 élèves de Python chaque semestre à Sciences Po. Ouais. C'est pas le compte 25, c'est pas le compte. Et on a aussi des principes de communautés pratiques où là, il faudra développer ces choses-là. Ouais. C'est vrai que enfin, moi aussi, hein, quand j'ai des problèmes, je peux aller voir Tego, c'est l'IPOF, et je suis un habitué du Métat, j'y vais tous les mois, donc c'est bien. Quoi. Enfin, ça m'a beaucoup aidé à résoudre mes problèmes. Et finalement, on a tous les mêmes problèmes. Non, je veux dire qu'en fait, en termes de catégories de problèmes, si on regarde le formulaire, il y a des catégories. Il y a biométrie, traite automatisée du langage, centométrie, visualisation de l'œil. Non, mais il y a de la mutualisation possible. Ça, c'est oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et il y a une palette. Oui, mais quand même, généralement, les gens qui viennent, ils ont ça. Très vite, ils pensent être les seuls à avoir un problème. Mm-hmm. Et finalement, très vite, ils veulent faire de la récupération et du traitement de tweets, quoi. Mm-hmm. Ou de profil Facebook, machin, voilà. Romain, en mode fin. Du coup, je vais conclure sur cette question. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir comparer aussi divers contextes de recherche par rapport à ça, notamment l'université de Rennes 2 et puis le Medialab ici. Et il y a des grandes disparités, mais il me semble que, en effet, la question de l'organisation, enfin, en fait, quelque chose de très bête, l'organisation des espaces de travail. La manière dont on met les gens à côté, dont on a des espaces de rencontre, notamment entre des chercheurs aguerris, des ingénieurs et puis des doctorants, est très important. Et donc en ce qui me concerne, mon temps d'observation participante sur le projet m'a aussi été un moment où j'allais très souvent taper sur l'épaule de l'un ou de l'autre et où j'ai appris beaucoup de choses et gagné beaucoup de temps sur pas mal de points, parce qu'il y avait cette configuration. Cette configuration spatiale et humaine qui en effet n'est pas forcément dans la culture des écoles doctorales, des laboratoires et des directeurs aussi de recherche qui, en sciences humaines et sociales, qui voient ça comme une expérience par définition solitaire. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Qui sera, je sais pas. On sait pas. Stay tuned.